La radiodiffusion française vous présente sa matinée classique, donnée avec le concours de la Société des comédiens français sous la direction artistique de Jacques Régnier. Vous entendrez successivement La grammaire, un acte d'Eugène Labiche et Alphonse Joly, et Les folies amoureuses, trois actes de Régnard. Cette émission vous est présentée par M. Neveu de Gas. Voici la distribution de La grammaire. Messieurs Jean Meyer, Poitrinas, Fernand Ledoux, François Caboussat, Georges Baconnet, le vétérinaire Machu, Maurice Portera, Jean, Mademoiselle Yvonne Godot, Blanche. Les commentaires seront lus par Mademoiselle Maria Fromet. Nous cédons le micro à Monsieur Neveu de Gas. La biche. On eût certainement étonné les critiques et les professeurs, ses contemporains, si on leur avait prédit que cet agréable fournisseur des scènes parisiennes du Second Empire survivrait à peu près seul à tant d'entreprises plus ambitieuses. Peut-être l'eût-on étonné lui-même, car il semble bien que peu d'auteurs aient eu plus de simplicité, de modestie et de gentillesse. La postérité ménage ces surprises. Les comédiens proverbes de Musset, dormant longtemps entre les feuillets des livraisons de la revue des Deux Mondes, essayés aux lumières de la rampe par le caprice heureux d'une comédienne française qu'un contrat avait fixé en Russie, s'imposant d'un coup sur le théâtre et s'y maintenant dès lors comme le plus valable témoignage du temps qui les avait vus naître, Beck, ce scrupuleux, ce sauvage, cet incommode, agençant laborieusement au milieu de l'indifférence générale les répliques de la Parisienne, et voici que Clotilde Duménil se détache aujourd'hui, au premier rang, dans cette galerie des grandes figures féminines que nous a donné notre théâtre. Plus près de nous, Feydeau, s'isolant dans la production comique d'une époque où il était tenu pour un brillant mais éphémère amuseur. Quoi qu'il en soit, le phénomène La Biche est une réalité avec laquelle il faut compter. Ses plus importants ouvrages se sont inscrits à l'affiche de notre première scène. Un chapeau de paille d'Italie, Le voyage de M. Perrichon y ont leur place et retrouvent de saison en saison un accueil fidèle et mêlé de gratitude. Il y a plus. Déjà en 1917, partant représenter la France en Amérique, Jacques Copeau glissait une brochure de La Biche dans son bagage. Et entre les deux guerres, un Dulin, un Gaston Batty, ne dédaignait pas de monter certaines de ses œuvres, tandis qu'un André Barsac, formant la troupe qui allait animer une grande partie de l'œuvre d'Anouilh, l'exerçait déjà à servir La Biche et Henri Monnier. Indication d'une filiation entre l'Anouilh du Théâtre Rose, entre l'auteur du Bal des voleurs et celui de l'affaire de la rue de l'Oursine, ne forçons pas la comparaison et bornons-nous à suggérer, avec un clin d'œil amusé mais qui sourit de lui-même, dans la direction du Giraudoux d'Intermezzo. Le secret de cette amitié que nous portons à La Biche, comment en fixer quelques traits ? Nous parlions tout à l'heure de la gentillesse de l'homme. C'est à cette gentillesse, à ce naturel, à cette spontanéité que va d'abord notre sympathie. Il s'y mêle un peu d'attendrissement qui s'adresse à l'auteur mais aussi bien à nous-mêmes. Allons, nous ne sommes pas si mauvais que cela, puisque c'est notre espèce si décriée qui a inspiré cette série de personnages dont les défauts, les petites lâchetés, les calculs ingénus demeurent touchants et découragent la sévérité. Attendrissement qui se double de nostalgie pour un temps qui nous paraît à distance celui de la douceur des mœurs, de la mise en sommeil des grands problèmes et des grandes inquiétudes. La biche est inséparable dans notre esprit des modes, des décors, des accessoires d'une époque. Mais cette amabilité eût-elle suffi à assurer notre fidélité ? Nous avons d'autres exigences. Il est arrivé à l'auteur une curieuse aventure. Le sérieux qu'il apportait dans l'établissement de ses comédies, ses scrupules de bon artisan, le fini de son exécution, confèrent à ses meilleurs ouvrages une sorte de style. De cette rigueur dans les acheminements, de ce crescendo de méprise et de surprise, de ce mécanisme minutieusement agencé, une poésie se dégage. Celle de nos rêves. Certains ont été jusqu'à dire de nos cauchemars. Et un écrivain comme Philippe Soupeau, venu du surréalisme, a pu consacrer à La Biche des pages fraternelles et d'une ingéniosité bien séduisante. C'est autour de cette rencontre, d'une inspiration bon enfant et d'une exécution qui va à l'extrême de l'efficacité, que se situe sans doute le lieu de notre plaisir. Les ouvrages clés de la biche sont ceux où cette rencontre joue au maximum. La grammaire que vous allez entendre n'est qu'un acte, charmant d'ailleurs et illustre, mais où la peinture demeure légère et le rythme plus détendu. Mais il n'était peut-être pas inutile de la replacer dans l'ensemble d'une œuvre dans laquelle notre temps a cherché quelques occasions de divertissement sans arrière-pensée et quelques points de départ à ses songes. Un salon de campagne aux environs de Paris, exactement à Arpajon, chez François Caboussat. Baies ouvertes sur le jardin, quelques meubles sans grande valeur mais disposés avec un certain goût. Jean, le jardinier, valet de chambre, homme à tout faire, range de la vaisselle dans le buffet. L'ennui de la vaisselle quand on l'a rangée, c'est qu'il faut la déranger. Oh, sacrebleu, le saladier doré! Tu travailles bien, toi! Ah, ce n'est que le vétérinaire. Ah, vous m'avez fait une peur. Qu'est-ce que va dire Monsieur Caboussat, ton maître, en voyant cette fabrique de castagnettes? Oh, mais il ne la verra pas. J'enterre les morceaux au fond du jardin. Oui, j'ai là une petite fosse, près de l'abricotier, propre et grasonnée. Jean! Ah, bonjour, Monsieur Machu. Mademoiselle? Tu n'as pas vu le saladier doré? Non, mademoiselle. Je le cherche pour y mettre des fraises. Ah, mais il doit être resté dans le buffet de la salle à manger. Je vais voir, mais c'est étonnant la quantité de vaisselle qui disparaît. Ah, ben on ne casse pourtant rien. Ah ben, t'as de l'aplomb, toi. Ah, dame, si elle savait que son saladier est cassé, ça lui ferait de la peine à cette demoiselle. Ah, ça, je viens pour la vache. Oh, c'est inutile. Pourquoi? Elle est morte. Oui, il paraît qu'elle avait avalé un petit morceau de carafe mal enterré. Ah, voilà. Tu ne creuses pas assez. Ah, c'est vrai, mais il fait si chaud depuis un mois. Ah, ça. Ah, c'est aujourd'hui le grand jour. Ton maître doit être dans tous ses états. Pourquoi? C'est dans 2 heures qu'on va élire le président de commis agricole d'Arpajon. Et croyez-vous que Monsieur Caboussat soit renommé? Ah, j'en doute pas. J'ai déjà bu 13 verres de vin à son intention. Vrai? Eh ben, ça ne paraît pas. Je cabale pour ton maître. C'est juste, j'ai la pratique de la maison. Oh, mais il a un concurrent qui est un malin. Monsieur Chaffinet, un ancien avoué. Mais depuis un mois, il ne fait que causer avec les paysans. Il fait mieux que ça. Dimanche dernier, il a été à Paris et il en est revenu avec une cinquantaine de petits ballons rouges qui s'enlèvent tout seuls. Il les a distribués gratuitement aux enfants de la classe agricole. Ah, oh, c'est très fort. Oui, mais j'ai paré le coup. J'ai répandu le bruit que les ballons attiraient la grêle et on les a tous crevés. Oh, quel diplomate que ce père Machu. Ouais, nous ne voulons pas de Chaffinet. Ah bon, Chaffinet, c'est un intrigant. Il fait venir des temps, son vétérinaire. Ah, voilà. Ce qu'il nous faut, c'est Monsieur Caboussat, un homme sobre et instruit. Ah. Car on peut dire que c'est un savant, celui-là. Ah, quant à ça, il reste des heures entières dans son cabinet avec un livre à la main, l'œil fixe. La tête immobile, comme s'il ne comprenait pas. Il réfléchit. Ah, il creuse. Tiens, le voici. Eh ben, je vais faire comme lui, moi. Je vais creuser. Jean a rassemblé les débris du saladier cassé, les a mis dans son tablier et disparaît en évitant son maître. Arrive alors Monsieur Caboussat, un livre à la main, et plongé dans sa lecture. Il ne me voit pas. Il creuse. Nota. On reconnaît mécaniquement que le participe suivi d'un infinitif est variable quand on peut tourner l'infinitif par le participe présent. Il faut tourner l'infinitif par le participe. Oh, j'en ai mal à la tête. Je parie que c'est du latin ou du grec. Ah, c'est toi, Machu. Je vous dérange, Monsieur Caboussat? Non, je lisais. Tu viens pour la vache? Oui, et j'ai appris l'événement. Un morceau de verre. Est-ce drôle? Une vache de 4 ans. Oh, monsieur, les vaches, ça avale du verre à tout âge. J'en ai connu une qui a mangé une éponge à laver les cabriolets à 7 ans. Elle en est morte. Ce que c'est que de notre pauvre humanité? Ah, ça. J'ai à vous parler de votre élection. Ah. Ça marche. Ah, vraiment? Et ma circulaire a été goûtée? Oh, je vous en réponds. On peut dire qu'elle était joliment troussée, votre circulaire. Je compte sur une forte majorité. Tant mieux. Quand ça ne serait que pour faire enrager Chaffinet, mon concurrent. Et puis, savez-vous que nommé pour la seconde fois président du commis agricole d'Arpajon, vous pouvez aller loin, très loin? Où ça? Et qui sait? Vous êtes déjà du conseil municipal. Vous deviendrez peut-être notre mère un jour. Moi? Oh, quelle idée! D'abord, je ne suis pas ambitieux. Et puis, la place est occupée par M. Rognat depuis 35 ans. Raison de plus. Chacun son tour. Il y a assez longtemps qu'il est là. Mais entre nous, c'est pas un homme fort, ni instruit. Mais cependant... D'abord, il sait pas le grec. Mais il n'est pas bien nécessaire de savoir le grec pour être maire d'Arpajon. Mais ça ne peut pas nuire. Voyez-vous, moi, je cause avec l'un et avec l'autre. J'entends bien des choses. Et je vous prédis qu'avant peu, vous scindrez l'écharpe municipale. Je ne le désire pas. Je ne suis pas ambitieux. Mais cependant, je reconnais que comme maire, je pourrais rendre quelques services à mon pays. Parbleu, et vous ne vous arrêterez pas là? Ah, certainement. Une fois maire... Vous deviendrez conseiller d'arrondissement? Ah, franchement, je ne m'en crois pas indigne. Et après? Un conseiller général? Ah non, ça c'est trop. Et après? Et qui sait? Député, peut-être? J'aborderai la tribune. Et après? Ah, dame, après, je ne sais pas. Conseiller général, député... Mais non, ça ne se peut pas. Et j'oublie que ça ne se peut pas. Mais il faut commencer par le commencement. Être d'abord président du comice. J'ai vu les principaux électeurs. Oh, ça bouillonne. Ah, ça bouillonne. Et pour moi? Mais tout à fait. Par exemple, il y a le père Madou qui vous en veut. À moi, qu'est-ce que je lui ai fait? Il vous trouve fier. S'il est possible, je ne le rencontre pas sans lui demander des nouvelles de sa femme, à laquelle je ne m'intéresse pas du tout. Oui. Vous êtes gentil pour sa femme, mais pour ses choux. Comment? Il en a fait un arpent pour ses vaches. Il prétend que vous êtes passé devant 10 fois et que vous ne lui avez pas jamais dit « Oh, voilà de beaux choux !» Comme président du comice, il soutient que c'était votre devoir. Ah, ma foi, de parler franchement, je les ai pas regardés, ces choux. Eh, faute. Chaffinet, votre concurrent, a été plus malin. Il lui a dit ce matin... Oh mon Dieu, les beaux choux! Il a dit ça, l'intrigant! Vous ferez bien d'aller voir le père Madou, en voisin, et lui toucher un mot sur ses choux. Sans bassesse, je vous conseillerai jamais une bassesse. Ben, tout de suite, j'y vais tout de suite. Hé, Jean! Monsieur? Mon chapeau neuf! Hé, dépêche-toi! Oui, je vais avec vous! Je vous donnerai la réplique! Voilà, monsieur. Ben, une idée! Je vais lui demander de la graine de ses choux. Oh! Superbe! Monsieur Caboussa a saisi le vétérinaire Machu par le bras et l'entraîne. Jean reste seul. Par une autre porte donnant sur l'extérieur, paraîtra Monsieur Poitrinas, président de l'Académie des Tempes, le type du vieux savant. Il aura une valise à la main. Monsieur met son chapeau neuf pour aller chercher de la graine de chou. Oh, quelle drôle d'idée! Monsieur Caboussa, s'il vous plaît. Un étranger! Annoncez-lui, Monsieur Poitrinas, premier président de l'Académie des Tempes. Mais il vient de sortir, mais il ne tardera pas à rentrer. Alors je vais l'atteindre. Débarrasse-moi de ma valise. Ah, comme ça, monsieur va rester ici? Probablement. Ah ben, une chambre à faire. J'apporte à mon ami Caboussa une nouvelle considérable. Ah, laquelle? Ça ne te regarde pas. Ah. Comment se porte Mademoiselle Blanche, sa fille? Mais très bien, je vous remercie. Je ne l'ai pas beaucoup regardée quand elle est venue cet été à Étampes, cette chère enfant. Je venais de recevoir un envoi des plus précieux. Une caisse de poterie de vieux clous et autres antiquités gallo-romaines. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle m'a paru jolie et bien élevée. Ah, je vous en réponds. Un peu regardante sur la vaisselle. Je vois que je pourrais donner suite à mes projets. Quel projet? Ça ne te regarde pas. Dis-moi, quand on laboure dans ce pays-ci, qu'est-ce qu'on trouve? Mais où ça? Derrière la charrue. Ah, dame, on trouve des vers blancs? Je te parle d'antiquités, de fragments gallo-romains. Ah, ça, monsieur, nous ne connaissons pas ça. Je profiterai de mon séjour pour faire quelques fouilles. J'ai constaté sur ma carte des Gaules la présence d'une voie romaine à Arpajon. Oui. Vois-tu, moi... Je suis doué, j'ai du flair, je n'ai qu'à regarder un terrain et je dis tout de suite, il y a du romain là-dessous. Hey, mais qu'est-ce que c'est que cet homme-là? Impossible d'en trouver ce saladier. Ah, ah, vous voilà, mademoiselle. Oh, monsieur Poitrina. Mademoiselle. Oh, quelle bonne surprise, et que mon père sera heureux de vous voir. Oui, je lui apporte une nouvelle considérable. Monsieur Edmond, votre fils n'est pas venu avec vous? Non, dans ce moment-ci, il est affligé d'une entorse. Oh, quel dommage. C'est un peu ma faute. J'avais pratiqué des fouilles au bout du parc sans prévenir personne. Et le soir, il est tombé dedans. Mais j'ai trouvé un manche de couteau du 3e siècle. Et c'est pour cela que vous m'avez abîmé mon danseur? Votre danseur? Mais oui, cet été à Étampes, Monsieur Edmond m'invitait tous les soirs, plusieurs fois. Croyez-vous qu'il guérit? C'est l'affaire de quelques jours. Il ne boitera pas. Nullement, ce serait bien dommage, car le voilà bientôt d'âge à se marier. Ah. Mais vous aussi, je crois. Oh, moi, je ne sais pas, papa ne m'en a pas encore parlé. Qu'il viendrait demander ma main pour M. Edmond. J'aurais une petite question à vous adresser. Oh, mon Dieu, voilà que j'ai peur. Quand on bêche dans le jardin, qu'est-ce qu'on trouve? C'est un tic. Dame, on trouve de la terre et des pierres. Avec des inscriptions. Ah, ça, je ne sais pas. Nous vérifierons cela plus tard. Si vous voulez passer dans votre chambre, je vais vous installer. Volontiers. Vos fenêtres donnent sur le jardin. Tant mieux, j'examinerai la configuration du terrain. Ça sent le romain, ici. Oh, il va coucher ici, cet homme-là? Il me fait peur. Blanche accompagne M. Poitrinas à la chambre qu'elle veut lui donner. Jean les suit avec la valise. À peine ont-ils tous les trois disparu que M. Caboussat fait son entrée, tenant un énorme chou sous le bras droit et une non moins énorme betterave sous le bras gauche. Je lui ai demandé un de ces choux comme objet d'art. Je lui ai dit que je le mettais. L'affaire du père Madou est arrangée. Je lui ai demandé un de ses choux comme objet d'art. Je lui ai dit que je le mettrais dans mon salon. Il y avait là un voisin dans son champ de betterave qui commençait à faire de la grimace. Et je ne pouvais faire moins pour lui que pour l'autre. C'est un électeur. Alors je lui ai demandé aussi une betterave comme objet d'art. Il faut savoir prendre les masses. Oh, c'est très lourd ces machines-là. Jean! Mais, monsieur, débarrasse-moi de ça. Tu mettras le chou dans le pot. Et quand à la betterave, tu la feras cuire. On en fait des ronds. C'est très bon dans la salade. Oh, ben voilà monsieur qui fait son marché maintenant. Tout en promenant mon chou, j'ai réfléchi à ce que m'a dit Machu. Je serai maire, le premier magistrat d'Arpajon. Puis conseiller général, puis député. Et après, le portefeuille, qui sait? Oh, mais non, mais non, mais non, ça ne se peut pas. Je suis riche, considéré, adoré. Et une chose s'oppose à mes projets. La grammaire française. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas l'orthographe. Les participes surtout. On ne sait pas par quel bout les prendre. Tantôt il s'accorde, tantôt il ne s'accorde pas. Quel fichu caractère. Quand je suis embarrassé, je fais un pâté. Mais ça n'est pas de l'orthographe. Lorsque je parle, ça va très bien, ça ne se voit pas. J'évite les liaisons. À la campagne, c'est prétentieux et dangereux. Je dis, je suis allé. Adam, de mon temps, on ne moisissait pas dans les écoles. J'ai appris à écrire en 26 leçons et à lire je ne sais pas comment. Et puis, je me suis lancé dans le commerce des bois de charpente. Je cube, mais je ne rédige pas. Pas même les discours que je prononce. Des discours étonnants. Arpajon m'écoute la bouche ouverte, comme un imbécile. On me croit savant, j'ai une réputation. Mais grâce à qui? Ah, grâce à un ange. Papa. Le voici, voici l'ange. Je te cherchais pour te remettre le discours que tu dois prononcer au comice agricole. Ah, si je suis réélu, tu l'as revu? Non, faire recopier seulement. Oui, comme les autres. Oh, chère petite, sans toi... Comment trouves-tu le commencement? Oh, très beau. Messieurs et chers collègues, l'agriculture est la plus noble des professions. Tiens, t'as mis deux S à profession? Ah oui, sans doute. Oh, chère petite. Moi, j'avais mis un T, hein, tout simplement. La plus noble des professions, avec deux S. Et j'ose le dire, celui qui n'aime pas la terre, celui dont le cœur ne bondit pas à la vue d'une charrue, celui-là ne comprend pas la richesse des nations. Tiens, t'as mis un T en nation ? Ah oui, toujours. Oh, ma chère petite, moi, j'avais mis un S, tout simplement. Les T, les S, ah, jamais je ne pourrais retenir ça. La richesse des nations, avec un T. Ah, papa, tu ne sais pas, monsieur Poitrinas vient d'arriver. Comment ? Poitrinas des temples ? Oh, un vrai savant, lui, hein. Où est-il, ce cher ami ? Oh, cher ami ! Oh, quelle heureuse visite ! Oh, il y a longtemps que je désirais explorer votre canton au point de vue archéologique. Ah oui, oui, les petits pots cassés, ça vous amuse toujours ? Oh, toujours. Je voulais aussi vous parler d'une affaire, d'une grande affaire. La demande. Oui, je vous laisse. J'espère, monsieur, que vous passerez quelques jours avec nous. Oh, je n'ose vous le promettre, cela dépendra de mes fouilles. Si je trouve, je reste. Oh, vous trouverez, espérons-le. N'est-ce pas qu'il est gentil, ma petite blanche? Oh, charmante. Et c'est avec bonheur que... Mais plus tard. Mon ami, je vous apporte une nouvelle considérable. À moi. Vous venez d'être nommé sur ma recommandation membre correspondant de l'Académie des Temples. Académicien. Il me fourre dans l'Académie. Eh bien, en voilà une surprise. Ah oui, oui, ah ça pour une surprise. Mais je ne sais vraiment si je dois accepter. J'ai de bien faibles titres. Et vos discours? Ah, c'est pour mes discours, cher petit. Et puis, j'avais mon idée en vous présentant. Vous pourrez nous être fort utile. Comment? Vous surveillez les fouilles que je vais entreprendre dans ce pays. Vous relèverez les inscriptions latines et vous nous enverrez des rapports. En latin? Je soupçonne aux environs d'Arpajon la présence d'un camp de César. N'en parlez pas. Oh, soyez tranquille. Notre département n'en a pas. C'est peut-être le seul. C'est une tâche. Alors j'ai fait des recherches que je vous communiquerai. Gabius Lentulus a dû passer par ici. Vraiment? Oui. Gabius Lentulus, vous en êtes sûr? Certes, n'en parlez à personne. Oh, soyez donc tranquille. Mais je suis venu encore pour un autre motif. Mon fils Edmond a vu cet été Mademoiselle Blanche à Étampes. Il a conçu pour elle un sentiment ardent, mais honorable. Et je profite de l'occasion de mes fouilles pour vous faire une ouverture de mariage. Mon Dieu, je ne dis pas non, mais je ne dis pas oui. Il faut que je consulte ma fille. Ah, c'est trop juste. Edmond est un bon jeune homme, affectueux, rangé, jamais de liqueur, excepté dans son café. Le Gloria. 130 000 francs de dot. Ah, c'est à peu près ce que je donne à Blanc. Mais avant tout, il faut être franc. Edmond a un défaut. Oh. Un défaut qui est presque un vice. Oh, diable. Lequel? Eh bien, sachez... Ah non, non, je ne peux pas. Moi, président de l'Académie des Temples... Tenez, lisez. Est-ce que c'est une piquante chanson contre l'Académie? Une lettre qu'il m'a adressée il y a 8 jours et que je vous soumets avec confusion. Ah, vous m'effrayez, voyons. Mon cher papa, il faut que je te fasse un aveu dont dépend le bonheur de toute ma vie. Dépend avec un T. Misérable. J'aime Mademoiselle Blanche d'un amour insensé depuis que je l'ai vue. Vue sans eux. Le régime est avant, animal. Je ne mange plus, je ne dors plus. Dors. Il écrit ça comme doré. Son image emplit ma vie et trouble mes rêves. Rêve. R-A-I. C'est atroce, n'est-ce pas? Quoi? Enfin, je devais vous le dire. Maintenant, vous le savez. Ah, je sais qu'il adore ma fille. Oui, mais contre toutes les règles. Ah ben, voyez, décidez. Je vais faire une petite inspection dans votre jardin. Il m'a semblé reconnaître un renflement de terrain. Ça sent le romain. À bientôt. Monsieur Poitrinas disparaît vers le jardin par une des portes-fenêtres. Caboussa reste seul, tenant toujours la lettre à la main. Il la relit à nouveau, ne semble pas plus comprendre que la première fois. Alors il plie la lettre et la met dans sa poche. De quel diable de défaut as-tu voulu me parler? Ah tiens, tu as fait toilette, petite. Tu vas sortir? Oui, je dois depuis longtemps une visite à notre voisine, Madame de Vercelles. C'est une famille très influente et très portée pour ton élection. Je prendrai la voiture. Un mot seulement. Blanche, as-tu quelquefois songé à te marier? Moi? Jamais, papa. Enfin, s'il se présentait un parti honorable, un bon jeune homme, affectueux, rangé, jamais de liqueur, excepté dans son café. Monsieur Edmond. Éprouverais-tu quelque répugnance? Oh non, enfin, c'est-à-dire je ferai tout ce que tu voudras. Moi, je désire que tu sois heureuse. C'est bien le moins après ce que tu as fait pour moi. Et quoi donc? Eh ben, mes discours, mes lettres. Oh, je les recopie. Oui, c'est convenu, nous ne devons pas en parler. Va, et reviens bien vite. Maintenant, il me faut commander un fin repas, car un académicien, ça doit aimer les petits plats. Et Jean! Monsieur? Qu'est-ce que nous avons pour dîner? Monsieur, il y a le chou, ensuite la betterave. Te parle pas de ça, imbécile! Ah, madame, puisque monsieur fait son marché lui-même, monsieur se méfie. Je suis venu! J'ai fouillé, j'ai trouvé... Qu'est-ce que c'est que ça? Un bouclier romain, scutum, le bouclier long, vous savez. Ouais. Clipeus, c'est le bouclier rond. Monsieur, c'est notre vieille cuisinière qui était percée. Parbleu, j'ai bien reconnu. Maintenant, voici le gladium, l'épée du centurion. Pièce extrêmement rare. C'est notre broche cassée. Ah, cet homme-là trouverait du romain dans une allumette chimique. Mon ami, j'ai découvert un tumulus au fond du jardin. Comment au fond du jardin? Ah, je suis en âge. C'est la joie et la pioche. Jean, tu vas aller chercher tout de suite 2 sous de blin d'Espagne. Tu le passeras dans un tamis et tu me l'apporteras dans une terrine. Et qu'est-ce que vous voulez faire de ça? Je veux nettoyer ces fragments. J'espère y découvrir quelques inscriptions. Va, et... va. Tout de suite. Oh, c'est un marchand de vieilles ferrailles. J'oubliais. Il y a un abricotier qui me gêne. Où ça? Au fond, à gauche. Je vous demanderai la permission de l'abattre. Ah, mais non, permettez. Il n'y a que lui qui me donne. Les abricots sont petits, mais d'un juteux. Mais mon cher collègue, je vous le demande au nom de la science. Ah, du moment que c'est pour la science, je n'ai rien à lui refuser. À elle qui me refuse tout. Merci pour l'archéologie. Je retourne continuer mes recherches. À propos, avez-vous parlé à votre fille du mariage? Je lui en ai touché un mot. La proposition n'a pas déplu. Et le défaut, le lui avez-vous confié? Pas encore. Je cherche un billet. C'est horrible, n'est-ce pas? Je retourne là-bas. Ça embaume le romain. Oh. Il commence à m'inquiéter avec ce défaut, qui est presque un vice. Je ne serais pourtant pas fâché de le connaître. C'est une calomnie, et je le prouverai. Machu, à qui en as-tu donc? Oh, c'est Monsieur Chaffinet, votre concurrent, qui fait courir sur mon compte un bruit infâme. Un bruit infâme? Il prétend que j'ai tué votre vache. Mais c'est faux, puisqu'elle était morte avant ton arrivée. Eh ben, écrivez-moi ça sur un bout de papier pour que je le confonde, cet animal-là. Écrire, moi? Et ma fille qui n'est pas là. Mon ami, il est des injures auxquelles un homme qui se respecte ne doit répondre que par le silence et le mépris. Oui, mais moi, je préfère l'aplatir. Vite, écrivez-moi un mot. Tu n'y penses pas, j'aurais l'air de te donner un certificat. Précisément, voilà ce que je veux. Ah non, je peux pas, c'est impossible. Comment, vous me refusez? Vous refusez de dire la vérité? Moi qui, depuis 8 jours, piétine dans les campagnes pour vous ramasser des voix? Tu as raison. Ce certificat, je te le donnerai. Ah! Et plus tard, demain. Mais tout de suite, les électeurs sont assemblés et je veux le faire lire à tout le monde. À tout le monde, ma fille qui n'est pas là. Il s'agit de ma réputation, de mon honneur de vétérinaire. Si je ne dément pas sur le champ un pareil bruit, mon état est perdu. Je suis ruiné, obligé de quitter le pays. Puis songez que j'ai une femme et 5 enfants. Le fait qu'il a 5 enfants. Et un autre en route. Et un autre en route. Allons, voyons, mettez-vous là. Il vous est si facile de griffonner 2 lignes. À vous, un savant. 2 lignes oui, seulement. Oui, je certifie que ma vache était déjà morte quand le sieur Machu s'est présenté chez moi. C'est pas long. C'est vrai, c'est vrai. Après ça, en m'appliquant et en faisant des pâtés, je certifie. F-I-F-I. Ah non, je crois qu'il faut un T à la fin. Oh, c'est diable de T. Bon, pom, je vais faire un pâté. Oh, nous allons voir un peu le nez qui fera, monsieur Chaffinet. Eh ben voilà, mon ami. Il y a quelques pâtés par-ci par-là, mais j'ai une mauvaise plume. Oh, ça n'y fait rien. Avec un pareil papier, je suis tranquille. Oui, mais moi, je ne le suis pas. Voici de retour. Ah ben, tu arrives bien tard. Je viens d'écrire un certificat moi-même. Comment? Et le voici. Je vais le montrer à tout le monde. Le vétérinaire Machu, très satisfait, met la lettre dans une poche de sardingote et cherche son chapeau. Blanche, inquiète, interroge son père du regard. Monsieur Caboussa est, lui aussi, assez embêté. Tu n'étais pas là. Il faut avoir cette lettre. Oui, mais comment? Elle est dans la poche de sardingote. Oh, quelle idée! Monsieur Machu, avez-vous votre trousse et votre lancette? Oui, pourquoi? Eh bien, courez vite, la jument en baie vient de tomber d'un coup de sang en rentrant. Oh mon Dieu! La jument? Et ce matin, la vache? J'y cours, pourvu qu'on ne m'accuse pas encore! Laissez votre redingote, elle vous gênera. Non, non, non, non, non, ça me retarderait! Manqué. Quoi, quoi? Et tu penses que ce pauvre animal... Il se porte très bien. Comment? Mais une ruse pour obliger Machu à ôter sa redingote et pour reprendre la lettre. Ah, je comprends. Il opère toujours en bras de chemise. Pourvu maintenant qu'il n'aille pas trouver que la jument est malade. Oh, je suis tranquille. Machu connaît son affaire. Il a une manière de regarder les bêtes dans l'œil. Il ouvre la paupière et il vous dit, ça, c'est une entorse. Voilà, c'est fait. Quoi? Je l'ai saigné. Allons, bon. Abondamment. 2 minutes de plus, l'animal était perdu. Et dire que si je savais l'orthographe, on n'aurait pas saigné cocotte. Ah, voilà le blanc d'Espagne. Oh, oh, jette tout cela sur ma chute. Plaît-il? Mais va-t'en. Ah, ben, je vais bien, moi. Jean ne comprend absolument rien, mais en fidèle serviteur, obéit. Il passe entre le vétérinaire et M. Caboussa et renverse la terrine pleine de blanc d'Espagne sur la redingote de M. Machu. Oh, sapristi! Maladroit! Imbécile! Mais c'est mademoiselle qui m'a dit! Comment, moi? Tais-toi, animal! Ben, je vais chercher une brosse! Vite, ôtez votre redingote! Oh, merci, c'est pas la peine! Oh, merci, mais ôtez donc votre redingote! Voilà, un coup de brosse et je reviens! Oh, ben vraiment, c'est trop d'obligeance! Quand je pense que mademoiselle Blanche va brosser elle-même. Eh oui, nous sommes comme ça! On voit bien que c'est le jour des élections! Voilà la brosse. Oui. Oh, mais aïe, mais dis attention, tu me piques, toi, avec ta brosse. Mes enfants, quelle chance, quelle émotion. J'ai mis à jour un tumulus sous l'abricotier. Ma tachette. Examinez d'abord ceci. Oh, ça perlote, le saladier doré. Mais je reconnais ça. Le chiffre est dessus, un F et un C. François Caboussa. Fabius Contator, c'est signé. Qui est-ce qui a cassé ça? Les Romains, parbleu. Mais oui, c'est les Romains. Oh, il est embêtant, il déterre tout ce que je casse. Voici un autre fragment. Savez-vous ce que c'est que ça? Voyons, mais je connais ça. Mais moi c'est aussi. Un vase nocturne. Eh oui, et pourquoi nous apporte-t-il ça ici? Eh ah, c'est un lacrymatoire de la décadence. Ah, Au fait, à quoi bon le détromper? Ça lui fait plaisir. Quand les Romains perdaient un membre de leur famille, c'est là-dedans qu'ils épanchaient leur douleur. Vraiment? Ah, singulier peuple. Voici votre chapeau, votre redingote. Merci. Voici votre redingote. Merci. Voyons, est-ce bien ma lettre? Oui, oui, la voilà. L'écriture de Blanche, je suis sauvé. Je vous quitte, je vais aux élections, je reviendrai vous en donner des nouvelles. À nous deux, maintenant. Monsieur? Ici! Ici! Mais voilà. M'expliqueras-tu comment le saladier doré? Non, mais pardon, on m'attend pour fendre du bois. Oh, Dieu! Du verre! Oh, ma carafe! Il y a des ânes qui prétendent que les Romains ne connaissaient pas le verre. Et taillé, je vais leur décocher en mémoire. Et vous ferez bien. Oh, mon ami, je vous dois un des plus beaux jours de ma vie. Et je veux sans tarder faire connaître à mes collègues, à nos collègues de l'Académie des Tentes, ce grand fait. Aéologique. C'est une bonne idée. Je vais les prier de nommer une sous-commission pour continuer les fouilles dans votre jardin. Ah, mais non! Au nom de la science, vite, une plume de l'encre. Tenez, là, sur mon bureau. Vous vous servez de plume droite. Ah, toujours. Une habitude de 40 années. Elle est trop fendue. Vous n'auriez pas un canif? Ah, si. Et voilà. Merci. Les Romains ne connaissaient pas le verre. Aïe! Oh! Quoi? Je me suis coupé. Attendez, dans le tiroir, un chiffon. Je vais vous arranger une petite poupée. Ne bougez pas. Là. Voilà ce que c'est. Hein? Merci. Maintenant, je vais vous demander un service. Lequel? C'est de tenir la plume à ma place. Okay. Je vais dicter. Diable. C'est que moi... Quoi? Écrire à une académie. Puisque vous êtes membre correspondant, c'est pour correspondre. Ah, c'est juste. Ils ont tous la rage de me faire écrire aujourd'hui. C'est ma fille qui n'est pas là. Qui êtes-vous? Un moment! Peut-être qu'avec beaucoup de pâté. Messieurs et chers collègues, l'archéologie vient de s'enrichir. Allons bon. Voilà qui me flanque des mots difficiles. Archéologie. Vous y êtes? Attendez! Archéologie. S-Q-U-E-K ou K-E? Oh! Une idée. Mon canif. Viens de s'enrichir grâce à mes infatigables travaux. Oui! Oh! Quoi? Oh! Je me suis coupé! Oh! Donnez-moi du chiffon dans le tiroir. Non, voilà, attendez, je vais à mon tour. Ça y est, je suis sauvé. Oh, c'est désolant. Enfin, j'écrirai demain. Voulez-vous que j'appelle ma fille? Elle rédige comme Noël et Chapsal. Vous êtes un heureux père, vous. Croyez-vous qu'elle consente à accepter mon fils? Et pourquoi pas? Excusez-moi, c'est un petit détail de ménage, mais je désirais avoir une prompte réponse parce qu'il y a sur le coup à Étampes une maison charmante qui sera libre à la Toussaint. Eh bien, je la louerai pour le jeune ménage. Comment? Ma fille habiterait Étampes? Sans doute, la femme suit son mari. Oh, mais non, ça ne va pas. Mon orthographe serait à Étampes. Et moi, Arpajon? Ah, ça ne se peut pas. Je vous dérange? Non, je vous laisse, mademoiselle. Je viens de prier monsieur, votre père, de vous faire une communication. considérable. Ah. Et je serais bien heureux de vous l'avoir agréé. Monsieur Poitrinas! Monsieur Poitrinas! Oh, c'est votre jardinier que j'ai chargé d'un nouveau sondage sous le prunier. Mademoiselle... Décidément, ce jeune homme-là ne nous convient pas du tout. D'abord, il a un défaut. Je ne sais pas lequel. Mais c'est presque un vice. Eh bien, papa, et cette communication? Voilà ce que c'est. Une bêtise, un enfantillage. Poitrinas ne s'est-il pas mis dans la tête de te marier à son fils Edmond? Ah, vraiment? Tu ne le connais pas, je vais te le dépeindre. C'est pas un mauvais sujet. Mais il est chauve, myope, petit, commun, avec un gros ventre. Mais papa... Ah, ça n'est pas pour t'influencer, car tu es parfaitement libre. De plus, il lui manque 3 dents, par devant. Oh, par exemple... De plus, il a un défaut énorme, qui est presque un vice. Un vice, monsieur Edmond? Attends, attends. Je l'ai là dans ma poche. Écoute et frémis. Elle trouvera peut-être le défaut, elle. Mon cher papa, il faut que je te fasse un aveu, dont dépend le bonheur de toute ma vie. J'aime Mademoiselle Blanche d'un amour insensé. Oh, qu'il est bon. Depuis que je l'ai vue, je ne mange plus, je ne dors plus. Ah, pauvre garçon. Le trouves-tu? Non. Ah, alors c'est plus loin. Son image emplit ma vie. C'est atroce, n'est-ce pas? Oh, c'est bien doux, au contraire. Comment doux? J'étais sûr que ce mariage ne te conviendrait pas. Mais papa, je... On a battu le prunier! Mais il n'y avait rien dessous. Mon prunier! Oh, que diable! Eh bien, mademoiselle, quelle réponse dois-je porter à mon fils? Mon Dieu, monsieur, je... Laisse-moi répondre. J'ai le regret, mon cher ami, de vous annoncer qu'il nous est... impossible de passer par-dessus le défaut. Je vous comprends, je m'y attendais. Tu vois, monsieur s'y attendait. Mais ne montez pas tout espoir et promettez-moi qu'un jour, si par impossible Edmond parvenait à se faire recevoir bachelier... Oh, alors... Un bachelier? Nous comprenons. Je vais refermer ma valise et repartir immédiatement. Mais comment... J'ai hâte de reporter cette mauvaise nouvelle à mon fils. Mais j'ai encore une prière à vous adresser. Voulez-vous me permettre d'emporter ces fragments d'un autre âge? Et donc, puisque c'est cassé. Je m'engage à les déposer au musée des temples avec cette inscription. Cabustatus Donavita. Vous êtes bien bon. Je vais boucler ma valise. Déçu, Monsieur Poitrinas se dirige lentement vers la porte de sa chambre et disparaît. Blanche est assise un peu à l'écart et pleure doucement, la main devant les yeux. Son père, ne se rendant compte de rien, se dirige vers elle en se frottant les mains. Allons, voilà une affaire terminée. Es-tu contente, Blanche? Comment tu pleures? Mais qu'as-tu donc? Oh, je crois bien vous calomnier, monsieur Edmond. Il n'est pas myope, il est grand, distingué, spirituel. Tu le connais donc? Nous avons dansé ensemble cet été. Oh, diable! Et il ne te déplaît pas, jeune homme? Oh, pas beaucoup. Elle l'aime, pauvre petite, que j'ai fait pleurer. Vous êtes nommé! Chanchinet n'a eu qu'une voix, la sienne! Mais ça n'a pas l'air de vous faire plaisir. Si, si, beaucoup. Ah, bah, à la bonne heure! Jean, je lui ai dit de préparer 2 paniers de vin. Pour quoi faire? Pour arroser la classe agricole, c'est l'usage. Jean, du liquide! Voilà! J'ai foiré une bouteille de Bordeaux pour les gens de la maison. Allons, en route! Oh, ma pauvre petite Blanche. Y a pas à hésiter. Comment? Il écrit tout seul? Arpajonnet, je donne ma démission. Oh, par exemple? Et que fais-tu? Eh bien, démission prend 2 S. Ah, j'ai encore mis un T. Et je ne peux pas même donner ma démission sans ma fille. Comment, lui? Je me retire. Non, reste. Mon cher collègue, avant de prendre congé de vous... Mon ami est souvent femme varie. Je viens de causer longuement avec ma fille, nous avons pesé le pour et le contre, et j'ai la satisfaction de vous apprendre qu'elle consent à épouser votre fils Edmond. Ah, mademoiselle, que je suis heureux. Je vais tout de suite louer la petite maison des temps. Mais quelle maison? Celle que tu vas habiter avec ton mari. Oh, pauvre père et ses discours. Monsieur Poitrinas, il y a une condition dont mon père a oublié de vous parler. Laquelle, mademoiselle? À aucun prix et sous aucun prétexte, je ne consentirai à quitter Arpajon. Oh, cher petit. Je le comprends, c'est une ville si riche au point de vue archéologique. Ce ne sera pas un obstacle. Nous vous demandons seulement de venir passer 2 mois par an à Étampes. C'est que 2 mois, c'est... Accepte, je m'arrange. J'ai un moyen, je me couperai. C'est convenu. Que vous êtes bonne d'avoir bien voulu passer par-dessus le défaut d'Edmond. Mais quel défaut? Comment? Vous n'avez donc pas dit? Mais non, le courage m'a manqué. Dites-le, vous. Comme ça, nous allons le connaître. Mon fils est un bon jeune homme, affectueux, rangé. Jamais de liqueur, excepté dans son café. Gloria. Mais il n'a jamais pu faire accorder les participes. Oh, ça n'est que ça? Oui. Mais nous ne sommes pas des participes, ici, ici, ici, ici, pourvu que nous nous accordions. Oh, puis d'ailleurs, il suffira de quelques leçons. Mon père connaît quelqu'un qui s'en chargera. Un élève de plus. Elle sera la grand-mère de la famille. Vous venez d'entendre un acte d'Eugène Labiche et Alphonse Joly. Avec la distribution suivante, messieurs Jean Meyer, Poitrinas, Fernand Ledoux, François Caboussa, Georges Baconnet, le vétérinaire Machu, Maurice Portera, Jean, mademoiselle Yvonne Godot, Blanche. Les commentaires étaient lus par mademoiselle Maria Fromet. Voici maintenant Les Folies Amoureuses, 3 actes en vers de Régnard. Avec le concours de messieurs Aimé Clarion, Albert, Jacques Clancy, Eraste, Jean-Pierre Crispin. Mesdemoiselles Moni Dalmès, Agathe et Gisèle Casetsu, Lisette. À la guitare, Martial Ferraille. Écoutez la présentation de monsieur Neveu de Gat. Les Folies Amoureuses sont, avec le Légataire universel, l'une des 2 œuvres de Régnard les plus célèbres et qui se sont maintenues le plus régulièrement au répertoire. Plus que le Légataire, elle nous rappelle que c'est d'abord pour les Italiens que Régnard a travaillé lorsque, après un début d'existence rempli des plus étonnants avatars, il se tourna vers le théâtre. On a remarqué que le sujet de cette pièce inspirait de celui de La précaution inutile de Guérardi, et s'il est permis d'évoquer également à son propos Molière et son École des femmes, c'est pour mieux distinguer ce qui sépare Régnard de l'auteur de Tartuffe. Comédie d'intrigue, qui fait fi de toute vraisemblance, qui n'accorde aucune part à l'observation des caractères, ni à la peinture des sentiments, et moins encore à l'étude des mœurs, mais ne vise qu'au divertissement. C'est le jeu le plus libre, une combinaison d'entrée et de sortie, un enchaînement de sketchs, comme nous dirions aujourd'hui, développé dans le rythme le plus vif, et qui s'achève sur une figure de fugue par la victoire de la jeunesse et la déconvenue d'un vieillard jaloux. Le lieu du décor, une allée devant un château dans un pays auquel on ne nous demande pas de croire. Les personnages participent tous, sans y ajouter de traits bien particuliers, à une tradition qui nous est déjà familière et qui d'ailleurs leur survivra jusque chez le beau marché du barbier de Séville. Voici Agathe, sûre de la grâce de ses 15 ans, résolue et hardie, et son vieux barbon de tuteur Albert, et Lisette, sa servante, au verbe insolent, complice des stratagèmes de sa maîtresse. Voici Eraste, aimé d'Agathe et l'aimant, et empruntant au privilège de la jeunesse l'élan qui le porte et les droits qu'elle lui confère, avec l'assistance de son inséparable Crispin, valet ingénieux, entreprenant et sans scrupules. Agathe et Eraste ne perdront pas de temps à définir leur passion, à s'en assurer mutuellement. Ils vont droit au fait. Un plan de guerre, les ruses du siège et l'enlèvement de la redoute. Il s'agit de nouer bout à bout quelques scènes à effet, dont les déguisements de l'héroïne vont fournir le prétexte. L'intermède du prétendu scaramouche avec sérénade et guitare à la clé. Cet autre épisode où la comtesse de Finbèche prête quelques traits à une vieille plaideuse nonagénaire. Et nous verrons paraître encore un faux officier qui fait valoir l'éclat de son uniforme et le train d'un bruyant équipage. La farce est jouée. Tout cela sur un mouvement de ballet, dans un tempo qui va s'accélérant d'acte en acte et que scande un étincelant contrepoint verbal. Car c'est là que Reignard triomphe et qu'il demeure incomparable. Ce vers de théâtre présente un merveilleux réussite. Il a la couleur, la netteté de la frappe, l'ingéniosité dans l'agencement des sonorités et le heurt des répliques, l'inattendu dans le choix des images, l'abondance du jaillissement, la verve et la saveur. Et il nous ménage ici en outre quelques échappées vers les lointains horizons nordiques ou barbaresques où Reignard a formé son aventureux génie. C'est une musique étourdissante, un concerto extraordinairement brillant qui emporte tout et nous entraîne dans un sillage de gaieté un peu extravagante, qui est dépaysement et qui est délivrance, à la suite de cette vive farandole où l'amour et la jeunesse tendent la main à la folie. Les folies amoureuses, un si joli titre. Mais écoutez plutôt comment la comédie s'entend à en tenir les plus séduisantes promesses. Lorsqu'en un plein repos, chacun encore sommeille, quel démon, s'il vous plaît, vous tire par l'oreille et vous fait hasarder de sortir si matin. Mais tais-toi, parle bas, tu sauras mon dessein. Erraste est de retour. Erraste d'Italie. D'où savez-vous cela, madame, je vous prie? J'ai cru le voir hier paraître dans ces lieux et j'en crois plus mon cœur encore que mes yeux. Je ne m'étonne plus que votre diligence ait, du seigneur Albert, trompé la vigilance. Par ma foi, c'est un guide excellent que l'amour. J'étais à ma fenêtre en attendant le jour, quand quelqu'un est sorti. Voyant la porte ouverte, j'ai saisi promptement l'occasion offerte, tant pour prendre le frais que pour flatter l'espoir qui pourrait attirer Erraste pour me voir. Vous n'avez pas envie, à ce qu'on peut comprendre, que le pauvre garçon s'enrhume à vous attendre. Il arrive le soir, et vous, au point du jour, vous l'attendez ici pour flatter son amour. C'est perdre peu de temps. Mais si par aventure, Albert, votre tuteur, jaloux de sa nature, vient à nous rencontrer, que dira-t-il de nous? Je me veux affranchir du pouvoir d'un jaloux. J'ai trop longtemps langui sous son cruel empire. Je lève enfin le masque. Et quoi qu'il puisse dire, je veux sans nul égard lui montrer désormais comme je prétends vivre et combien je le hais. Que le ciel vous maintienne en ce dessein louable. Pour moi, j'aimerais mieux 100 fois servir le diable. Oui, le diable. Du moins, quand il tiendrait sabbat, j'aurais quelque repos. Mais dans mon triste état, soir, matin, jour ou nuit, je n'ai ni paix ni trêve. Si cela dure encore, il faudra que je crève. Tant que le jour est long, il gronde entre ses dents. Fais ceci, fais cela, viens, va, monte, descend, fais bien la guerre à l'œil, ferme porte et fenêtre, avertis si de loin tu vois quelqu'un paraître. Il s'arrête, il s'agite, il court sans savoir où. Toute la nuit, il rôde ainsi qu'un loup-garou. Il ne nous permet pas de fermer la prunelle. Lui, quand il dort d'un œil, l'autre fait sentinelle. Il narrit de sa vie. Il est jaloux, fâcheux, brutal à toute outrance, avare, dur, hargneux. J'aimerais mieux chercher mon pain de porte en porte que servir plus longtemps un maître de la sorte. Lisette, tous nos maux vont finir désormais. Qu'Erraste est différent du portrait que tu fais. Dès mes plus tendres anges et sa mère nourrie, nos cœurs se sont trouvés liés de sympathie. Et l'amour acheva par des nœuds plus charmants de nous unir encore par ses engagements. Plutôt que de souffrir la contrainte effroyable qui depuis quelque temps me gêne et m'accable, je serai fille à prendre un parti violent. Et sous un habit d'homme, en chevalier errant, pour m'affranchir d'Albert et de ses lois si dures, j'irai par le pays chercher des aventures. Oh, sans aller si loin, ici quand vous voudrez, je suis caution que vous en trouverez. Je ne sais pas encore quel est mon caractère, quand on m'impose un joug à mon humeur contraire. J'ai vécu dans le monde au milieu des plaisirs. La contrainte où je suis irrite mes désirs. Présentement, qu'Eraste à m'épouser s'apprête, mille vivacités me passent par la tête. J'ai du cœur, de l'esprit, du sens, de la raison. Et tu verras dans peu d'être près de ma façon. Mais comment du château la porte est-elle ouverte? Bon, notre vieux Cerbère est à la découverte. Faut-il le demander? Il rôde dans les champs. Il fait toute la nuit sentinelle en dedans. Et sur le point du jour, il va battre l'estrade. S'il pouvait, par bonheur, choir en quelque embuscade et que des égrillards avec de bons bâtons... Oh, épais! J'entends du bruit. Quelqu'un vient. Écoutons. J'ai fait dans mon château toute la nuit la ronde. Et dans un plein repos, j'ai trouvé tout le monde. Pour mieux des ennemis, entre vains les efforts, j'ai voulu même encore m'assurer des dehors. Grâce au ciel, tout va bien. Une terreur secrète en dépit de mes soins cependant m'inquiète. Je vis hier rôder un certain curieux qui de loin, ce me semble, examiner ces lieux. Depuis plus de 6 mois, ma lâche complaisance met à chaque moment en défaut ma prudence. Et pour laisser Agathe à l'aise respirer, je n'ai, par bonté d'âme, encore rien fait mûrer. Ce n'est point par douceur qu'on rend sage les filles. Je veux du haut en bas faire attacher des grilles et que de bons barreaux, larges comme la main, puissent servir d'obstacle à tout effort humain. Mais j'entends quelques bruits. Et dans le crépuscule, j'entrevois quelque objet qui marche et qui recule, approchant. Qui va là? Personne ne répond. Ce silence affecté ne me dit rien de bon. Je tremble. C'est Lisette. Agathe est avec elle. Est-ce donc vous, monsieur, qui faites sentinelle? Oui, oui. C'est moi. Mais à l'heure qu'il est, que venez-vous chercher en ce lieu, s'il vous plaît? De dormir ce matin, n'ayant aucune envie. Lisette et moi, monsieur, nous avons fait partie d'être devant le jour, sous ces arbres épais, pour voir naître l'aurore et respirer le frais. Oui. Respirer le frais et voir l'aurore naître. Tout cela se pouvait faire à votre fenêtre. Ici, pour me trahir, vous êtes de complot. Que cela serait bien fait. Que dis-tu? Pas le mot. Des filles sans intrigue et qui sont retenues sont à l'heure qu'il est dans leur lit étendu, dorment tranquillement et ne vont point sitôt prendre dans une cour ni le froid ni le chaud. Et comment, s'il vous plaît, voulez-vous qu'on repose? Chez vous, toute la nuit, on entend d'autres choses qu'aller, venir, monter, fermer, descendre, ouvrir, crier, tousser, cracher, éternuer, courir. Lorsque, par grand hasard, quelquefois je sommeille, un bruit affreux de clé en sursaut me réveille. Je veux me rendormir, me point. Un juif errant qui fait du mal d'autrui son plaisir le plus grand, un lutin que l'enfer a vomi sur la terre pour faire aux gens dormants une éternelle guerre, commence son vacarme et nous lutine tous. Et quel est ce lutin et ce juif errant? Vous! Moi? Oui, vous! Je croyais que ces brusques manières venaient de quelque esprit qui voulait des prières. Et pour mieux m'éclaircir dans ce fâcheux état, si c'était âme ou corps qui faisait ce sabbat, je mis un certain soir, à travers la montée, une corde aux deux bouts fortement arrêtée. Cela fit tout l'effet que j'avais espéré. Sitôt que, pour dormir, chacun fut retiré, en personne d'esprit, sans bruit et sans chandelle, j'allais dans certains coins me mettre en sentinelle. Je n'y fus pas longtemps qu'aussitôt, patatras, avec un fort grand bruit, voilà l'esprit à bas. Ses deux jambes à faux dans la corde arrêtée lui font, avec le nez, mesurer les montées. Soudain, j'entends crier « À l'aide, je suis mort !» À ces cris redoublés et dont je riais fort, j'accours et je vous vois étendu sur la place avec une apostrophe au milieu de la face. Et votre nez cassé me fit voir par écrit que vous étiez un corps et non pas un esprit. Ah, malheureuse engeance, apanage du diable! C'est toi qui m'as joué ce tour abominable! Tu voulais me tuer avec ce trait maudit! Non, c'était seulement pour attraper l'esprit! Je ne sais maintenant qui retient mon courage de 20 coups de poing au milieu du visage! Mais monsieur, doucement! Vous pourriez bien ici, vous la belle, attraper quelques gourmades aussi. Oh. Taisez-vous, s'il vous plaît. Pour punir son audace, il faut que de chez moi, sur le champ, je la chasse. Qu'on sorte de ce pas. Juste ce gueule. Quel arrêt. Monsieur. Non. Dénichons au plus tôt, s'il vous plaît. Monsieur, vous nous la donnez bonne de croire qu'en quittant votre triste personne, le moindre de plaisir puisse saisir mon cœur. Un écolier qui sort avec son précepteur. Mmh. Une fille longtemps au célibat lié qui quitte ses parents pour être mariée. Mmh. Un esclave qui sort des mains des mécréants. Un vieux forçat qui rompt sa chaîne après 30 ans. Un héritier qui voit un oncle rendre l'âme. Un époux quand il suit le convoi de sa femme. Non pas le demi-quart tant de plaisir que j'ai en recevant de vous ce bienheureux congé. Mais de sortir de chez moi, tu peux être ravi. C'est le plus grand plaisir que j'aurai de ma vie. Oui, puisqu'il est ainsi, je change de désir. Et je ne prétends pas te donner ce plaisir. Tu resteras ici pour faire pénitence. Et vous, sans raisonner, rentrez en diligence. Demeure, toi. Je veux te parler sans témoin. Il faut l'amadouer, j'ai besoin de ses soins. Allons, faisons la paix. Vivons d'intelligence. Je t'aime dans le fond. Et plus que l'on ne pense. Et je vous aime aussi plus que vous ne pensez. Un bel amour, vraiment, à me casser le nez. Mais je pardonne tout. Et te donne promesse que tu ressentiras l'effet de mes largesses. Mmh. Si tu veux me servir dans une occasion. Voyons. De quel service est-il donc question? Tu sais, depuis longtemps, que sur le fait d'Agathe, j'ai comme on doit avoir l'âme un peu délicate. La donzelle bientôt prendrait le mort aux dents sans la précaution que près d'elle je prends. Chez la dame Dubourg, jusqu'à 15 ans nourrie, toujours dans le grand monde, elle a passé sa vie. Cette dame étant morte, un parent me pria d'en vouloir prendre soin et me la confia. L'amour depuis ce temps s'est glissé dans mon âme. Et j'ai quelque dessein d'en faire un jour ma femme. Votre femme? Fus donc. Qu'entends-tu par ce ton? Fus, vous dis-je. Comment? Eh, fus, fus, vous dit-on. Vous avez trop d'esprit pour faire une sottise, et j'en appellerai à votre barbe grise. Je n'ai point eu d'enfant de mon hymen passé, et je veux achever ce que j'ai commencé, faire des héritiers dont l'heureuse naissance de mes collatéraux détruise l'espérance. Ma foi, faites, monsieur, tout ce qu'il vous plaira. Jamais postérité de vous ne sortira, c'est moi qui vous le dis. Et pourquoi donc? Que sais-je? Quitte à de deviner, donner le privilège. Dis donc. Parle. Réponds. Mon Dieu, je ne dis rien sans dire la raison. Vous la devinez bien, je m'entends, il suffit. Ne te mets point en peine. Ce sera mon affaire. Et point du tout la tienne. Oh, vous avez raison. Ben, tu sais bien qu'ici-bas, sans trouver quelque embûche, on ne peut faire un pas. Des pièges qu'on me tend, mon âme est alarmée. Je tiens une brebis avec soin enfermée. Mais des loups ravissants rôdent pour l'enlever. Contre leurs dents cruelles, il faut la conserver. Et pour ne craindre rien de leur noire furie, je veux de toutes parts fermer la bergerie. Faire avec soin griller mon château tout autour et ne laisser partout qu'un peu d'entrée au jour. J'ai besoin de tes soins en cette conjoncture pour faire à mon désir attacher la clôture. J'ai besoin de tes soins en cette conjoncture pour faire à mon désir attacher la clôture. Qui? Moi? Je ne veux pas que cette invention paraisse être l'effet de ma précaution. Agathe, avec raison, pourrait être alarmée de se voir par mes soins de la sorte enfermée. Cela pourrait causer du refroidissement. Mais, en fille d'esprit, il faut, adroitement, lui dorer la pilule et lui faire comprendre que tout ce qu'on en fait n'est que pour se défendre. Et que, la nuit passée, un nombre de bandits n'a laissé que les murs dans le prochain logis. Mais croyez-vous, monsieur, avec ce stratagème et bien d'autres encore dont vous usez de même, vous faire bien aimer de l'objet de vos vœux? Ce n'est pas ton affaire. Il suffit, je le veux. Oh, vous êtes fou de vouloir à votre âge pour la seconde fois tenter du mariage. plus fou d'être amoureux d'un objet de 15 ans, encore plus fou d'oser la griller là-dedans. Ainsi, dans ce dessin funeste en conséquence, je compte la valeur de 3 extravagances, dont la moindre va droit aux petites maisons. Pour me conduire ainsi, j'ai de bonnes raisons. Pour moi, grâce aux effets de la bonté céleste, j'ai, jusqu'à présent, eu de la vertu de reste. Mais si j'avais amant ou mari de ce goût, ils en auraient parbleu sur la tête et partout. Si vous me choisissez pour prendre cette peine, je vous le dis tout net, votre espérance est vaine. Je ne veux point tremper dans vos larges desseins, le cas est trop vilain, je m'en lave les mains. Sais-tu qu'après avoir employé la prière, je serai contre toi ? Prendre un parti contraire. Pestez, jurez, criez, mettez-vous en courroux, vous m'entendrez toujours vous dire qu'un jaloux est un objet affreux à qui l'on fait la guerre, qu'on voudrait de bon cœur voir à 100 pieds sous terre, qu'il n'est rien de plus hideux, que Satan, Lucifer et tant d'autres messieurs habitants de l'enfer sont des objets plus beaux, plus charmants, plus aimables, des bourreaux moins cruels et moins insupportables que certains jaloux tels qu'on en voit en ce lieu. Vous m'entendez ? Je dis, je me retire, adieu. Pour me trahir ici, tout le monde s'emploie. On dirait qu'ils n'ont pas tous de plus grande joie. Les autres ne voient rien, mais de crainte de pis, malgré sa brusque humeur, je la garde au logis. Je ne laisserai pas, quoi qu'on dise et qu'on glose, d'accomplir le dessein que mon cœur se propose. Mon maître, tu m'attends au cabaret prochain, m'envoyer vivant pour sonder le terrain. Voilà, je crois, notre homme. Il faut feindre de sorte. Que faites-vous ici, seul, et devant ma porte ? Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous portez-vous bien ? Oui. En vérité, j'en ai le cœur bien réjoui. Content ou non content, quel sujet vous attire ? Et quel homme êtes-vous ? J'aurais peine à le dire. J'ai fait tant de métiers d'après le naturel que je puis m'appeler un homme universel. J'ai couru l'univers, le monde et ma patrie. Faute de revenus, je vis de l'industrie comme bien d'autres font. Selon l'occasion, quelquefois honnête homme et quelquefois fripon. J'ai servi volontaire 1 an dans la marine. Hein? Et me sentant le cœur enclin à la rapine, après avoir été 18 mois flibustier, un mien parent me fit apprenti maltotier. J'ai porté le mousquet en Flandre, en Allemagne, et j'étais mi-clé dans les guerres d'Espagne. Voilà bien des métiers. Du bas jusqu'en haut, cet homme me paraît avoir l'air d'un maraud. Que faites-vous ici ? Parlez ! Je me retire. Non, non ! Il faut parler. Je ne sais que lui dire. Vous me portez tout l'air d'être de ces fripons qui rôdent pour entrer la nuit dans les maisons. Vous me connaissez mal. J'ai d'autres soins en tête. Tandis que le hasard dans ce séjour m'arrête, ayant pour bien des mots des secrets merveilleux, je m'amuse à chercher des simples dans ces lieux. Des simples ? Oui, monsieur. Tout le temps de ma vie, j'ai fait profession d'exercer la chimie. Tel que vous me voyez, il n'est guère de mots où je ne sache mettre un remède à propos. Pierre, gravelle, toux, vertige, maux de mer. On m'a même accusé d'avoir un caractère. Il ne s'en est fallu qu'un degré de chaleur pour être de mon temps le plus heureux souffleur. Cet habit, cependant, n'est pas de compétence. Vous savez que l'habit ne fait pas la science. Et je ne serais pas réduit d'être valet si je n'avais eu bruit avec le Châtelet. Mais un jour, on verra triompher l'innocence. Vous avez, dites-vous... Voyez la médisance. Certains jours, me trouvant le long d'un grand chemin, moi troisième, et le jour étant sur son déclin, en un certain bourbier, j'aperçus certains coches. Mais... En homme secourable, aussitôt je m'approche. Et pour le soulager du poids qu'il arrêtait, j'ôtais des magasins les paquets qu'il portait. On a voulu depuis, pour ce trait charitable, de ces paquets perdus me rendre responsable. Le prévôt s'en mêlait. C'est pourquoi mes amis me conseillèrent tous de quitter le pays. C'est agir prudemment en affaires pareilles. J'arrive de la guerre où j'ai fait des merveilles. Les Ardennes m'ont vu soutenir tout le feu et batailler un jour seul contre un parti bleu. J'ai dans le Milanais payé de ma personne. Savez-vous bien, monsieur, que j'étais dans Crémone ? Je vous crois. Mais après tous ces exploits fameux, que voulez-vous enfin de moi ? Ce que je veux ? Oui. Rien. Je crois qu'on peut, quoi que l'on en raisonne, se promener ici sans offenser personne. Oui, mais il ne faut pas trop longtemps y rester. Serviteur. Serviteur. Avant de nous quitter, dites-moi s'il vous plaît, monsieur, à qui peut être le château que voilà ? Ben, il est à son maître. C'est parler comme il faut. Vous répondez si bien que l'on ne peut sitôt quitter votre entretien. Nous devons à la ville aller ce soir au gîte. Y serons-nous bientôt ? Si vous allez bien vite. Cet homme n'aime pas les conversations. Pour finir en un mot toutes mes questions, je pars. Et dites-moi, quelle heure il pourrait être ? La demande est plaisante. À ce qu'on peut connaître, vous me croyez ici mis comme les cadrans pour du haut d'un clocher montrer l'heure aux passants? Allez la prendre ailleurs. Partez. Je vous conseille de ne pas plus longtemps étourdir mon oreille. Votre aspect me fatigue, autant que vos discours. Adieu. Bonjour. Cet homme a bien de l'air d'un ours. Pour ma foi, ce début commence à m'interdire. Le vieillard me paraît un peu sujet à lire. Pour en venir à bout, il faudra batailler. Tant mieux, c'est où je brille et j'aime à ferrailler. Mais j'aperçois mon maître. Eh bien, quelle nouvelle, cher Crespin. Dans ces lieux, as-tu vu cette belle? As-tu vu ce tuteur? Et vois-tu quelque jour quelques rayons d'espoir qui flattent mon amour? À vous dire le vrai, ce n'était pas la peine de venir de Milan ici, tout d'une haleine, pour nous en retourner d'abord du même train. Vous pouviez m'épargner le travail du chemin. Oh, oh, que ce Mont-Cenis est un pas ridicule. Vous souvient-il, monsieur, quand ma maudite mule me jeta par malice en ce trou si profond? Je fus près d'un quart d'heure à rouler jusqu'au fond. Ne badine donc point! Parle d'autre manière! Puisque vous souhaitez une phrase plus claire, je vous dirai, monsieur, que j'ai vu le jaloux qui m'a reçu d'un air qui tient de l'aigre doux. Il faudra du canon pour emporter la place. Nous en viendrons à bout, quoi qu'il dise et qu'il fasse. Et je ne prétends point abandonner ces lieux que je ne sois nanti de l'objet de mes voeux. L'amour de ce brutal vaincra la résistance. J'aurais pour le succès assez bonne espérance si de quelque argent frais nous avions le secours. C'est le nerf de la guerre ainsi que des amours. Ne te mets point en peine. Agathe en mariage a 30 000 écus de bons biens en partage. Et quand elle n'aurait rien, je l'aime 100 fois mieux qu'une autre avec tout l'or qui séduirait tes yeux. Dès ses plus tendres ans chez ma mère élevée, son image en mon cœur est tellement gravée que rien ne pourra plus en effacer les traits. Nos deux cœurs, qui semblaient l'un pour l'autre être faits, goûtaient de cet amour l'heureuse intelligence quand ma mère mourut. Dans cette décadence, Albert, ce vieux jaloux que l'enfer confondra, par avis de parents, d'Agathe s'empara. Je ne le connais point. Et lui, comme je pense, de moi ni de mon nom, n'a nulle connaissance. On m'a dit qu'il était d'un très fâcheux esprit, défiant, dur, brutal. Et l'on vous a bien dit. Il faut savoir d'abord si dans la forteresse nous introduirons par force ou par adresse. S'il est plus à propos pour nos desseins conçus de faire un siège ouvert ou former un blocus. Tu te serves à propos des termes militaires. Tu reviens de la guerre. En toutes les affaires, la tête doit toujours agir avant le bras. Ce n'est pas d'aujourd'hui que je vois des combats. J'ai même déserté 2 fois dans la milice. Quand on veut, voyez-vous, qu'un siège réussisse, il faut premièrement s'emparer des dehors, connaître les endroits, les faibles et les forts. Quand on est bien instruit de tout ce qui se passe, on ouvre la tranche. On canonne la place, on renverse un rempart, on fait brèche. Aussitôt, on avance en bon ordre et l'on donne l'assaut. On égorge, on massacre, on tue, on vole, on pille. C'est de même à peu près quand on prend une fille. N'est-il pas vrai, monsieur? À quelque chose près. La suivante, Lisette, est dans nos intérêts. Tant mieux. Plus dans la ville on a d'intelligence et plus pour le succès on conçoit d'espérance. Il la faut avertir que, sans un bruit, sans tambour, il est toute la nuit arrivé du secours, lui faire des signaux pour lui faire comprendre... Allons voir là-dessus quels moyens il faut prendre. Et pour ne point donner des soupçons dangereux, évitons de rester plus longtemps en ces lieux. Moi, comme ingénieur et chef d'artillerie, je vais voir où je dois placer ma batterie pour battre en brèche Albert et l'obliger bientôt à nous rendre la place ou soutenir l'assaut. Excellent homme, j'ignore son pays et comment il se nomme. C'est la chose à laquelle on ne doit plus regarder et la plus difficile en ce temps à garder. Cependant, n'en déplaise à ce docteur habile, la garde d'une fille est bien plus difficile. J'ai fait par le jardin entrer le serrurier qui doit à mon dessein promptement s'employer. Je veux faire sortir Agathe et sa suivante, de peur qu'à cet aspect leur cœur ne s'épouvante. Il les faut appeler, afin qu'à son plaisir, l'ouvrier libre et seul puisse agir à loisir. Quand j'aurai sur ce point satisfait ma prudence, il faudra les résoudre à prendre patience. Voilà! Quelqu'un! Venez! Sous ces arbres épais, pendant quelques moments prendre avec moi le frais. Voilà des fruits nouveaux. Quel démon favorable vous rend l'accueil si doux et l'humeur si traitable. Par votre ordre étonnant, depuis plus de 6 mois, nous sortons aujourd'hui pour la première fois. Faut changer de lieu quelquefois dans la vie. Le plus charmant séjour, à la fin, nous ennuie. Sous quelque autre climat que je sois avec vous, l'air n'y sera pour moi ni meilleur, ni plus doux. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin je soupire quand je suis près de vous, plus que je ne respire. Mon cœur à ce discours se pâme de plaisir. Il te faut un époux pour calmer ses soupirs. Les filles, d'ordinaire assez dissimulées, font au seul nom d'époux d'abord les réserver, masquent leur vrai désir et répondent souvent n'aimer d'autre parti que celui du couvent. Pour moi, que le pouvoir de la vérité presse, qui ne trouve en cela ni crime ni faiblesse, j'ai le cœur plus sincère. Et je vous dis sans phare que j'aspire à l'hymen. Mmh. Et plus tôt que plus tard. C'est bien dit. Que sert-il au printemps de son âge de vouloir se soustraire au joug du mariage et de se retrancher du nombre des vivants? Il était des maris bien avant des couvents. Et je tiens, moi, qu'il faut suivre en toute méthode, et la plus ancienne, et la plus à la mode. Le parti d'un époux est le plus ancien, et le plus usité, c'est pourquoi je m'y tiens. En personne d'esprit, vous parlez l'une et l'autre. Mes sentiments aussi sont conformes aux autres. Je veux me marier. Riche comme je suis, on me vient tous les jours proposer des parties qui paraissent pour moi d'un très grand avant. Je me retirerai, plutôt que d'être cause que madame, pour moi, souffre la moindre chose. Non, monsieur, demeurez. Et jusque à demain, différez, croyez-moi, de vous mettre en chemin, et ne vous y mettez qu'en bonne compagnie. Les chemins sont mal sûrs. Que de cérémonies! Allons, vite, rentrons! Oui, oui, je rentrerai, mais devant ces messieurs tout haut, je vous dirai que le ciel enverra quelque honnête personne pour faire enfin cesser les chagrins qu'on nous donne. Depuis plus de 6 mois, dans ce cloître nouveau, nous n'avons aperçu que l'ombre d'un chapeau. À tout homme en ce lieu, l'entrée est interdite. Tout dans cette maison est sujet à visite. Nous croyons quelquefois que le monde a pris fin. Rien n'entre ici, s'il n'est du genre féminin. Jugez si quelque fille en ce lieu peut se plaire. Ah, je t'arracherai ta langue de vipère. Je ne veux point sitôt rentrer dans le logis pour donner tout le temps que les barreaux soient mis. Leurs plaintes et leurs cris me toucheraient peut-être. Ça, de quoi s'agit-il? Parlez, vous voilà maître, mais surtout, soyez bref. Je suis fâché, vraiment, que pour moi, votre fille ait un tel traitement. Que ça dire, ma fille? Est-ce donc votre femme? Cela sera bientôt. J'en suis ravi dans l'âme. Vous ne pouvez jamais prendre un plus beau dessein. Et vous faites fort bien de lui tenir la main. Tous les maris devraient faire ce que vous faites. Les femmes aujourd'hui sont toutes si coquettes. J'empêcherai parbleu que celles que je prends ne suivent la manière et le train de ce temps. Oh, que vous ferez bien. Je suis si saoul des femmes. Et je suis si ravi quand quelques bonnes âmes se servent de mainmise un peu, de temps en temps. Ce garçon-là me plaît et parle de bon sens. Pour moi, je ne vois rien de si digne de blâme qu'un homme qui s'endort sur la foi d'une femme, qui, sans être jamais de soupçon combattu, compte tranquillement sur sa frêle vertu, quoi qu'on fît pour lui seul une femme fidèle. Il faut faire soi-même en tout temps sentinelle, suivre partout ses pas, l'enfermer s'il le faut. Quand elle veut gronder, crier encore plus haut, et malgré tous les soins dont l'amour nous occupe, le plus fin tel qu'il soit en est toujours la dupe. Nous sommes un peu grecs sur ces matières-là. Qui pourra m'attraper? Bien habile sera. Chaque jour, là-dedans, j'invente quelque adresse pour mieux déconcerter leurs ruses et leurs finesses. Ma foi, vous aurez beau, messieurs leurs partisans, débonnaires maris, douceux courtisans, abbés blonds et musqués qui cherchaient par la ville des femmes dont l'époux soit d'un accès facile, publier que je suis un brutal, un jaloux. Dans le fond de mon cœur, je me rirais de vous. Quand vous seriez jaloux, devez-vous vous défendre pour avoir plus qu'un autre un cœur sensible et tendre? Sans être un peu jaloux, on ne peut être amant. Bien des gens, cependant, raisonnent autrement. Un jaloux, disent-ils, qui sans cesse querelle est plutôt le tyran que l'amant d'une belle. Sans relâche agité de fureur et d'ennui, il ne met son plaisir que dans le mal d'autrui. Insupportable à tous, odieux à lui-même, chacun à le tromper met son plaisir extrême et voudrait qu'on permît d'étouffer un jaloux comme un monstre échappé de l'enfer en courroux. C'est dans le monde ainsi qu'on parle d'ordinaire. Mais pour moi, je soutiens un parti tout contraire et dis qu'un galant homme et qui fait tant d'aimer par de jaloux transports peut se voir animé. Céder à ce penchant et qu'il faut dans la vie assaisonner l'amour d'un peu de jalousie. Certes, vous me charmez, monsieur, par votre esprit. Je voudrais, pour beaucoup, que cela fût écrit pour le montrer aux sots qui blâment ma manière. Entrons chez vous, monsieur. Là, pour vous satisfaire, je vous l'écrirai tout sans qu'il vous coûte rien. Je vous suis obligé, je m'en souviendrai bien. Vous n'avez pas, je crois, autre chose à me dire. Voilà votre chemin. Adieu, je me retire. Que le ciel vous maintienne en ses bons sentiments et ne demeurez pas en ce lieu plus longtemps. Pauvre seigneur Albert, que vas-tu devenir? Le coup est trop mortel! Je n'en puis revenir! Qu'est-il donc arrivé? La plus rude disgrâce! Mais encore faut-il bien savoir ce qui se passe! Agathe! Eh bien, Agathe! Agathe, en ce moment, vient de devenir folle, et tout subitement! Agathe est folle! Oh, ciel! Cela n'est pas croyable! Oh, monsieur! Ce malheur n'est que trop véritable! Quand, par votre ordre express, elle a vu travailler ce maudit serrurier venu pour nous griller, qu'elle a vu ses barreaux et ses grilles paraître, dont ce noir forgeron condamnait sa fenêtre, j'ai, dans le même instant, vu ses yeux s'égarer et son esprit frappé, soudain, s'évaporer. Elle tient des discours remplis d'extravagance. Elle court, elle grimpe, elle chante, elle danse. Elle prend un habit puis le change soudain avec ce qu'elle peut rencontrer sous sa main. Tout à l'heure, elle a mis dans votre garde-robe votre large calotte et votre grande robe. Puis, prenant sa guitare, elle a, de sa façon, chanté différents airs en différents jargons. Enfin, c'est 100 fois pire que je ne puis vous dire. On ne peut s'empêcher d'en pleurer et d'en rire. Qu'entends-je, juste ciel? Quel funeste malheur! De ce triste accident, vous êtes seul l'auteur! Et voilà ce que c'est que d'enfermer les filles! Maudite prévoyance et malheureuse grille! J'ai voulu dans sa chambre un moment l'enfermer. C'était des hurlements qu'on ne peut exprimer. De rage, elle battait les murs avec sa tête. J'ai dit qu'on ouvre tout et qu'aucun ne l'arrête. Mais je la vois venir. Hélas! À tout moment, elle change de forme et de déguisement. Toute la nuit entière, un vieux vilain matou me guette sur la gouttière. Oh, qu'il est fou! Ne se peut-il point faire qu'il s'y rompe le cou? Qu'il s'y rompe le cou, le cou, qu'il s'y rompe le cou, le cou, le cou, le cou, le cou, le cou. Malgré son mal, Crispin, l'aimable et doux visage. Je l'aimerais encore mieux qu'une autre plus sage. Ne se peut-il point faire qu'il s'y rompe le cou? Qu'il s'y rompe le cou, le cou, qu'il s'y rompe le cou, le cou, le cou, le cou, le cou, le cou. Vous êtes du métier? Musicien, 100 ans, fort vain, fort altéré, fort peu d'argent comptant. Je suis ainsi que vous, membre de la musique, enfant de G ré sol. Et de plus, je m'en pique. D'un bout du monde à l'autre, on vante mon talent sur un certain duo que je trouve excellent parce qu'il est de moi. Je veux sans complaisance que chacun de vous deux m'en dise ce qu'il pense. Ah, ma chère Lisette, elle a perdu l'esprit. Qui le sait mieux que moi, ne vous l'ai-je pas dit? Ce qui m'en plaît, monsieur, sa folie est gaillarde. Elle a les yeux troublés et la mine hagarde. J'aime les gens de l'art. Touchez-la. Touchez-la. L'air que vous entendez fait en ami. C'est mon ton favori. Et la musique en est vive, bizarre, pétulante et fort récréative. Les mouvements légers, nouveaux, vifs et pressés. L'on m'envoya chercher un de ces jours passés pour détremper un peu l'humeur mélancolique d'un homme dès longtemps au lit paralytique. Dès que j'eus mis en chant un certain rigodon, trois sages médecins venus dans la maison, la garde, le malade, un vieil apothicaire qui venait d'exercer son grave ministère, sans respect du métier, se prenant par la main, se mirent à danser jusque au lendemain. Voir une faculté faire en rond une danse et sortir dans la rue ainsi tout en cadence, cela doit être beau, monsieur. Quoi, malheureux? Tu peux rire et la voir en cet état affreux. Hein? Attendez! Doucement, mon démon de musique m'agite, me saisit, je tiens du chromatique. Les cheveux à la tête en dresseront l'horreur. Ne troublez pas le dieu qui me met en fureur. Je sens qu'en tons heureux, ma verve se dégorge. C'est un désis que j'avais dans la gorge. Ordon dans le duo dont il est question. Vous y verrez du vif et de la passion. Je réussis des mieux et dans l'un et dans l'autre. Voilà votre partie. Oh. Et vous, voilà la vôtre. Écartons-nous un peu, je crains les liaisons. Nous entendrons bientôt de bouche à Rivard. Agathe, mon enfant, ton erreur est extrême. Je suis Seigneur Albert, qui te chérit, qui t'aime. Parbleu, vous chanterez. Eh bien, je chanterai. Et si c'est ton désir encore, je danserai. Une lettre, Crispin. Oh ciel, quelle aventure! Le maître de musique entend la tablature. Ça, comptez bien vos temps pour partir cette fois. C'est vous qui commencez. Allons vite. 1, 2, 3. Aïe! Partez donc! Partez donc, musicien barbare, ignorant par nature ainsi que par bécard. Quelle rauque grenouille au milieu de ces joncs t'a donné de ton art les premières leçons? Sais-tu dans un concert ou croasser ou braire? Je vous ai déjà dit, sans vouloir vous déplaire, que je n'ai point l'honneur d'être musicien. Pourquoi donc, ignorant? Viens-tu ne sachant rien interrompre un concert où ta seule présence cause des contretemps et de la discordance? Vit-on jamais un âne essayer des bémols et se mêler au chant des tendres rossignols? Jamais un noir corbeau de malheureux présage troubla-t-il des sereins l'agréable ramage? Et jamais dans les bois un sinistre hibou pour chanter un concert sortit-il de son trou? Tu n'es, il ne sera qu'un sang toute ta vie! Mon maître, comme il faut, chantera sa partie, j'en suis sa conscience. Il faut que dès ce soir, dans une sérénade, il montre son savoir, qu'il fasse une musique prompte et vive et tendre, qui m'enlève. Entends-tu? Je commence à comprendre. C'est comme qui dirait une fugue. D'accord. Une fugue en musique est un morceau bien fort et qui coûte beaucoup. Nous n'avons pas un double. Nous pourvoirons à tout qu'aucun soin ne vous trouble. Vous verrez que je suis un homme de concert et que je sais de plus chanter à livre ouvert. Luccelletto, nana nel matto, che garçon d'or, di qua, di là. Va trovando la libertà. Outre mi, ni fa sol, fa sol la. Al dispetto del vecchio brutto, e garçon d'or di qua, di là. L'uccelletto ti parlerà. Outre mi, ni fa sol, fa sol la la la, fa sol la la. Lisette. Suivons-la, voyons s'il est possible d'apporter du remède à ce malheur terrible. Ma pauvre maîtresse! Oh, j'ai le cœur si saisi! Je crois que je m'en vais devenir folle aussi! La la la la la la la la. Il est entré. Lisons. Vous serez surpris du parti que je prends. Mais l'esclavage où je me trouve, devenant plus dur chaque jour, j'ai cru qu'il m'était permis de tout entreprendre. Vous, de votre côté, essayez tout pour me délivrer de la tyrannie d'un homme que je hais autant que je vous aime. Que dis-tu, je te prie, de tout ce que tu vois et de cette folie? J'admire les ressorts de l'esprit féminin quand il est agité de l'amour en lutte. Il faut que cette nuit, sans plus longue remise, nous fassions éclater quelque noble entreprise et que nous l'arrachions, Crispin, d'un joug si dur. Vous voulez l'enlever? Ce serait le plus sûr et le plus prompt. D'accord, mais vous rendant service, je crains après cela... Que crains-tu? La justice. C'est pour nous épouser. C'est fort bien entendu, vous serez épousé, moi je serai pendu. Il me vient un dessein. Tu connais bien Clétendre. Oui, da. D'un tel ami, nous pouvons tout attendre. Son château n'est pas loin, c'est chez lui que je veux me choisir un asile en partant de ces lieux. Là, bravant du jaloux, le dépit et la rage, nous disposerons tout pour notre mariage. La joie et le plaisir règnent dans ce séjour, nous y conduirons et l'hymen et l'amour. Ah, monsieur. Excusez l'ennui qui me possède. Je reviens sur mes pas pour chercher du remède. Cet homme est à vous. Eh oui. De grâce. Ordonnez-lui qu'il veuille à mon secours s'employer aujourd'hui. Et que peut-il pour vous? Parlez. De sa science, il a daigné tantôt me faire confidence. Il a mille secrets pour guérir bien des maux. Peut-être en a-t-il un pour les faibles cerveaux. Oui, oui, j'en ai plus d'un dont l'effet salutaire. Mais vous m'avez tantôt traité d'une manière... Oh, monsieur... Refusez lorsqu'on vous en priait de dire le chemin et l'heure qu'il était. Pardonnez mon erreur. En nul lieu de ma vie, on me ne fit tel tour, pas même en barbarie. Pourrez-vous sans pitié voir éteindre les jours d'un objet si charmant sans lui donner secours? Monsieur, parlez pour moi. Crispin, je t'en conjure. tâche à guérir le mal que cette belle endure. J'immole encore pour vous tout mon ressentiment. Oui, je la veux guérir. Et radicalement. Quoi? Vous pourriez... Oh, très. Je vais voir dans mon livre le remède qu'il est plus à propos de suivre. Vous me verrez tantôt dans l'opération. Je ne puis exprimer mon obligation. Mais aussi, soyez sûr que mon bien et ma vie... Allez! Je ne veux rien qu'elle ne soit guérie. Que veut dire cela? Par quel heureux destin es-tu donc à ses yeux devenu médecin? Ma foi, je n'en sais rien. Ce que je puis vous dire, c'est que tantôt, sa vue ayant su m'affaire, pour cacher mon dessein et me déguiser mieux, j'ai dit que je cherchais des simples dans ces lieux. Que j'avais pour tout mot des secrets admirables et faisais tous les jours des cures incurables. Et voilà justement ce qui fait son erreur. Il faut en profiter. Je ressens dans mon cœur renaître en ce moment l'espérance et la joie. Allons nous consulter et voir par quelle voie nous pourrons réussir dans nos nobles projets et ferons éclater ton art et tes secrets. Moi, je suis prêt à tout, mais il est inutile d'entreprendre un projet sans ce premier mobile. Nous sommes sans argent. Qui nous en donnera? L'amour y pourvoira. Oh, oh, oh, oh, l'amour y pourvoira. Il semble à ces messieurs, dans leur manie étrange, que leurs billets d'amour soient des lettres de change. Je ne puis revenir de tout ce que j'entends. Qu'une fille a d'esprit, de raison, de bon sens, quand l'amour, une fois s'emparant de son âme, lui peut communiquer son génie et sa flamme. De mon côté, j'ai pris ainsi que je le dois tous les soins que l'amour peut attendre de moi. Crispin est averti de tout ce qu'il faut faire. Quelques secours d'argent nous seraient nécessaires. Je ne puis demeurer en place un seul moment. Je vais, je viens, je cours. Tout accroît mon tourment. Près d'elle, mon esprit comme le sien se trouble. Son accès de folie à chaque instant redouble. Ah, monsieur, suis-je assez au rang de vos amis pour m'aider du secours que vous m'avez promis? Cet homme qui tantôt m'a vanté sa science, veut-il de ses secrets faire l'expérience? En l'état où je suis, je dois tout accorder. Et lorsque l'on perd tout, on peut tout hasarder. Je me fais un plaisir de rendre un bon office. On se doit en tout temps l'un à l'autre service. Le malade aujourd'hui m'a fait trop de pitié pour ne vous pas donner ses marques d'amitié. L'homme dont il s'agit en ces lieux doit se rendre. J'ai voulu sur le mal le sonder, l'entendre, mais il m'en a parlé dans des termes si nets en me développant la cause et les effets qu'en vérité, je crois qu'il en sait plus qu'un autre. Quel service, monsieur, peut être égal au vôtre? Comme le ciel envoie ici, sans y songer, cette honnête personne exprès pour m'obliger. Je ne garantis point sa science profonde. Vous savez que ces gens venus du bout du monde, pour tout genre de mots, apportent des trésors. Mmh. C'est beaucoup s'ils n'ont pas ressuscité des morts, mais si l'on peut juger de tout ce qu'il peut faire par tout ce qu'il m'a dit, cet homme est votre affaire. Ah. Il ne veut que la fin du jour pour tout délai. Si vous le souhaitez, vous en ferez l'essai. D'un office d'amis, simplement, je m'acquitte. Je suis persuadé, monsieur, de son mérite. Nous voyons tous les jours de ces sortes de gens apprendre en voyageant des secrets surprenants. Oh, ciel, vous allez voir une bien autre folie. Si ça dure encore, il faudra qu'on la lit. Bonjour, mes doux amis. Dieu vous garde, mes enfants. Eh bien, qu'est-ce? Comment passez-vous votre temps? Que le ciel pour longtemps la santé vous envoie, vous conserve gaillard et vous maintienne en joie. Le chagrin ne vaut rien et ronge les esprits. Il faut se divertir, c'est moi qui vous dis. Je la trouve charmante et malgré sa vieillesse, on trouverait encore des retours de jeunesse. Oh, vous me regardez. Vous êtes des bobies de me trouver si fraîche avec des cheveux gris. Je me porte encore mieux que tous tant que vous êtes. Je fais 4 repas et je lis sans lunettes. Je sirote mon vin, quel qu'il soit, vieux, nouveau. Je fais rubis sur l'ongle et n'y mets jamais tout. Je vis de gentiment, mais 2 bouteilles. Peste! Oui, vraiment, du champagne encore, sans qu'il en reste. On peut voir dans ma bouche encore toutes mes dents. J'ai pourtant, voyez-vous, 98 ans, vienne la Saint-Martin. La jeunesse est complète. Tout autant. Mais je suis encore verdelette et je ne laisse pas à l'âge où me voilà d'avoir des serviteurs et qui m'en comptent d'art. Mais vois-tu, mon ami, veux-tu que je te dise? Les hommes d'aujourd'hui, ces piètres marchandises, ils ne valent plus rien. Et pour en ramasser, tiens, je ne voudrais pas seulement me baisser. De ces vapeurs, souvent est-elle travaillée? Hélas, jamais. Il faut qu'on l'ait ensorcelée. À mon âge, je vaux encore mon pesant d'or. Les enfants, cependant, m'ont fait beaucoup de tort. Je ne paraîtrais pas la moitié de mon âge si l'on ne m'avait mise à 13 ans en ménage. C'est tuer la jeunesse à vous en parler franc que de la mettre sitôt en un péril si grand. Je ne me souviens pas d'avoir presque été fille. À vous dire le vrai, j'étais assez gentille. À 27 ans, j'avais déjà 14 enfants. Quelle fécondité ! 14 ! Oui, tout brouillant. Et tous garçons encore. Je n'en avais point d'autres et n'en voyais aucun tourner comme les nôtres. Mais ce sont des fripons et qui finiront mal. Les malheureux voudraient me voir à l'hôpital. Croyez-vous que depuis la mort de feu leur père, ils m'ont jusqu'à présent chicané mon douair? Un douair gagné si légitimement. Hélas, peut-on plus loin pousser l'égarement? La friponne, ma foi, joue à charmer ses rôles. J'aurais très grand besoin de quelques cent pistoles. Prêtez-les-moi, monsieur, pour subvenir aux frais et pour faire juger ce malheureux procès. Tu rêves, mon enfant. Mais pour te satisfaire, j'avancerai les frais et j'en fais mon affaire. Si je n'ai cet argent ce jour en mon pouvoir, mon unique recours sera le désespoir. Mais songe, mon enfant. Vous êtes honnête homme. Ne me refusez pas de grâce cette somme. Je veux flatter son mal. Vous ferez sagement. Il ne faut pas de front heurter son sentiment. Si vous lui résistez, elle est fille, peut-être assalée de ce pas jetée par la fenêtre. D'accord. Il me souvient que vous avez tantôt reçu ses 100 louis, ou du moins peu s'en faut. Quel risque à ses désirs de vouloir condescendre. Il est vrai qu'à l'instant, je pourrais lui reprendre. Tiens, voilà cet argent. Va, puisse ton procès ses 100 louis prêtés donner un bon succès. Je suis sûre à présent du gain de notre affaire. Mais ce secours m'était tout à fait nécessaire. Donne à mon procureur, Lisette, cet argent. Je crois qu'à me servir, il sera diligent. Il n'y manquera pas. Comptez aussi, madame, que je veux vous servir et de toute mon âme. Je reviens sur mes pas en habit plus décent pour aller avec vous dans ce besoin pressant, solliciter mon juge et demander justice. Adieu. Quel jour le ciel vous rende ce service. Qu'une veuve est à plaindre et qu'elle a de tourments quand elle a mis au jour de mauvais garnements. Voilà de quoi, monsieur, avancez votre affaire. J'aurai soin du procès. Je sais ce qu'il faut faire. Prends bien garde à l'argent. N'ayez point de chagrin, j'en réponds corps pour corps. Il est en bonne main. Vous voyez à quel point cette folie augmente. Votre homme ne vient point et je m'impatiente. Je ne sais qui l'arrête. Il devrait être ici. Mais je le vois qui vient. N'ayez plus de soucis. Eh, monsieur, venez donc. Avec impatience, tous deux nous attendions ici votre présence. Un savant philosophe a dit élégamment, « Dans tout ce que tu fais, hâte-toi, lentement. » J'ai depuis peu de temps pourtant bien fait des choses pour savoir si le mal dont nous cherchons les causes réside dans la basse ou haute région. Hippocrate dit oui, mais Galien dit non. Et pour mettre d'accord ces deux messieurs ensemble, je n'ai pas pour venir trop tarder, ça me semble. Vous voyez donc, monsieur, d'où procède son mal? Je le vois aussi net qu'à travers un cristal. Tant mieux. Vous saurez que, depuis tantôt, la belle sent toujours de son mal quelques crises nouvelles. En ces lieux écartés, n'ayant nul médecin, monsieur m'a conseillé de la mettre en vos mains. Sans doute elle serait beaucoup mieux dans les siennes, mais j'espère employer utilement mes peines. Vous avez donc guéri de ces maux quelquefois? Moi? Si j'en ai guéri? Ah, vraiment, je le crois. Il entre dans mon art quelque peu de magie. Avec trois mots qu'un juif m'apprit en Arabie, je guéris une fois l'infante de Congo, qui vraiment avait bien un autre vertigo. Je laisse aux médecins exercer leur science sur les maux dont le corps ressent la violence, mais l'objet de mon art est plus noble. Il guérit tous les maux que l'on voit s'attaquer à l'esprit. Je voudrais qu'à la fois vous fussiez maniaque, atrabilaire, fou, même hypochondriaque, pour avoir le plaisir de vous rendre demain sage comme je suis et le corps aussi sage. Je vous suis obligé, monsieur, d'un si grand zèle. Sans perdre plus de temps, entrons chez cette bête. Non ! S'il vous plaît, monsieur, il n'en est pas besoin. Et de vous l'amener, je vais prendre le soin. Tout va bien. La fortune à nos voeux s'intéresse. Agathe, en ton absence, avec un tour d'adresse, a su tirer d'Albert ses 100 louis constants. Comment donc ? Tu sauras le tout avec le temps. Nous avons maintenant, sans chercher davantage, de quoi sauver Agathe et nous mettre en voyage, pourvu qu'un seul moment, nous puissions écarter ce malheureux Albert qui ne l'a peut quitter. Tant qu'il suivra ses pas, nous ne saurions rien faire. Reposez-vous sur moi, je réponds de l'affaire. Vous avez de l'esprit, je ne suis pas un sot, et la fausse malade entend à demi-mot. J'imagine un moyen des plus fous. Mais qu'importe, la pièce en vaudra mieux, plus elle sera forte. Il faut convaincre Albert qu'avec de certains mots, ainsi que tu l'as dit déjà fort à propos, tu pourrais la guérir de cette maladie si quelque autre voulait prendre la frénésie. Je m'offrirai d'abord à tout événement. Laisse-moi faire après le reste seulement. Va, si de belles peurs le vieillard ne trépasse, il faudra pour le moins qu'il nous quitte la place. Mais comment voulez-vous qu'Agathe, à ce dessein, sans avoir rien su, puisse prêter la main ? Je l'instruirai de tout, je t'en donne parole. Mais songe seulement à bien jouer ton rôle. Et lorsque dans ces lieux Agathe reviendra, amuse le vieillard du mieux qu'il se pourra pour me donner le temps d'expliquer le mystère et lui dire en deux mots ce qu'elle devra faire. Albert ne peut tarder. Mais je le vois qui sort. Que le conduise la barque et la mette à bon port. Oh, messieurs, sa folie à chaque instant augmente. Un transport martial, à présent la tourmente. De la bille dont jadis elle courait le bal, elle s'est mise en homme. À cet excès fatal, elle a pris aussitôt un attirail de guerre, un bonnet de dragon, un large cimetière. Elle ne parle plus que de sang, de combat. Mon argent doit servir à lever des soldats. Elle veut m'enrôler. Morbleu ! Vive la guerre ! Je ne puis plus rester inutile sur terre, mon équipage est prêt. Ah, marquis, en ce lieu je te trouve à propos et viens te dire adieu. J'ai trouvé de l'argent pour faire ma campagne et cette nuit, enfin, je pars pour l'Allemagne. Ciel, quel égarement! Parbleu! Les officiers sont malheureux d'avoir affaire aux usuriers. Pour tirer de leurs mains sans mauvaise pistole, il faut plus s'intriguer et plus jouer de rôle. Celui qui m'a prêté son argent, je le tiens pour le plus grand coquin, le plus juif, le plus chien que l'on puisse trouver en affaire pareille. Je voudrais que quelqu'un m'apportât ses oreilles. Enfin, me voilà prêt d'aller servir le roi. Il ne tiendra qu'à toi de partir avec moi. Partout où vous irez, je suis de la partie. Il faut avec prudence entrer dans sa manie. Je quitte avec plaisir l'étendard de l'amour. Je puis sous ses drapeaux aller loin quelques jours. J'ai 1000 qualités, de l'esprit, des manières. Je sais l'art de réduire aisément les plus fiers. Mais quoi, que voulez-vous, je ne suis point leur fait. Le beau sexe sur moi ne fit jamais d'effet. La gloire est mon penchant. Cette gloire inhumaine a son char éclatant, en esclave m'enchaîne. Ce pauvre sexe meurt et d'amour et d'ennui, sans que je sois tentée de rien faire pour lui. Plus de délai, je cours où la gloire m'appelle. Amène mes chevaux, l'occasion est belle, partons, courons, volons. Je ne la quitte pas et suis prête à la suivre au milieu des combats. J'examinais ses yeux. À ce qu'on peut comprendre, quelque accès violent sans doute va la prendre, lequel sera suivi d'un assoupissement. Ordonnez qu'on apporte un fauteuil vivement. Il me tarde déjà d'être au champ de la gloire, d'aller aux ennemis arracher la victoire. Que de veuves en deuil, que d'amantes en pleurs. Enfants, suivez-moi tous, ranimez vos ardeurs. Je vois dans vos regards briller votre courage. Que tout ressent ici, l'horreur et le carnage, la baïonnette au bout du fusil, ferme, bon, frappez, serrez vos rangs, percez cet escadron, les coquins n'oseraient soutenir notre vue. Oh, Marot, vous fuyez? Non, point de quartier, tire! En peu de temps, voilà bien du sang répandu. Sans espoir de retour, elle a perdu l'esprit. Tout se prépare bien, je la vois qui repose. Son mal, à mon avis, ne provient d'autre chose que d'une humeur contrainte, un esprit irrité. qui veut avec effort se mettre en liberté. Quelque démon d'amour a saisi son idée. Comment la pauvre fille est-elle possédée? Ce démon violent dont il faut la sauver est bien fort et pourrait dans bien peu nous l'enlever. Si j'avais un sujet dans cette maladie en qui je fis entrer cet esprit de folie, je vous répondrais bien. Lisette est un sujet qui, sans aller plus loin, vous servira d'objet. Je vous baise les mains et vous donne parole que je n'en ferai rien, je ne suis que trop folle. Attends-vous donc! Son mal augmente à chaque instant. Malpeste, ceci n'est pas un jeu d'enfant. On ne saurait agir avec trop de prudence. Quand dans le cœur d'un homme, un démon prend séance, je puisse en me flatter d'en tirer aisément, mais dans un corps femelle, il tient bien autrement. Pour savoir aujourd'hui jusqu'où va sa science, je veux bien me livrer à son expérience. Oh. Je commence à douter de l'effet, et je crois qu'il s'est voulu moquer de vous et de moi. Je veux l'embarrasser. Moi, je veux vous confondre et vous mettre en état de ne pouvoir répondre. Mettez-vous auprès d'elle. Et non. Comme cela, un genou contre terre. Et vous tenez bien là. Toujours sur ses beaux yeux, votre vue assurée, votre main dans la sienne étroitement serrée. Ne consentez-vous point qu'il lui donne la main pour que l'attraction se fasse plus soudain? Oui, je consens à tout. Tant mieux. Sans plus attendre, vous verrez un effet qui vous pourra surprendre. Micro-Salam, Hippocrate! Micro-Salam, Hippocrate! Micro-Salam, Hippocrate! Quel nuage épais se dissipe à mes yeux. Quelle sombre vapeur vient obscurcir ces lieux. Quel calme en mon esprit vient succéder au trouble. Quel tumulte confus dans mes sens se redouble. Quels abîmes profonds s'entrouvrent sous mes pas. Quel dragon me poursuit. Ah, traître! Tu mourras! Un monstre tel que toi, je veux purger le monde! Oh, monsieur, évitez sa rage furibonde! Sauvez-vous! Sauvez-vous! Laissez-moi de son flanc tirer des flots mêlés de poison et de sang! Vos accès violents dans son cœur se transportent! Je vois que je donnais la dose à un peu trop forte! Je le veux immoler à ma juste durée. N'auriez-vous point chez vous quelques fortes liqueurs, de bon esprit de vin, des gouttes d'Angleterre pour calmer cet esprit et ces vapeurs de guerre? Il s'en va m'échapper! Oui! J'ai ce qu'il lui faut! Lisette! Tiens ma clé. Va, cours vite là-haut. Prends la fiole ou... Je crains en ce désordre extrême de faire un quiproquo. Vous feriez mieux vous-même. Courez donc plutôt. Laisserez-vous périr un homme qui, pour vous, c'est un fer à mourir. Allez vite, allez donc. Je reviens tout à l'heure. Ne perdons point de temps. Quittons cette demeure. Ce bois nous favorise. Albert ne saura pas de quel côté l'amour aura tourné nos pas. Mes enfants, vos mains. Et mon sort et ma vie. Vive, vive, Crispin, vive à la folie. Allons courir les champs pour remplir notre sort et laissons-nous tout seul exhaler son transport. J'apporte un élixir d'une force étonnante. Mais je ne vois plus rien. Quel soupçon épouvante. Lisette! Agathe! Oh, ciel, tout est sourd à mes cris. Que sont-ils devenus? Quel chemin ont-ils pris? Au voleur! À la force! Au secours! Je suis courbe. Où marcher, où courir? Je chancelle, je tombe. Par leur feinte folie, ils m'ont enfin séduit. Et moi seul, en ce jour, j'avais perdu l'esprit. Voilà de mon amour la suite ridicule. Ah, maudite bouteille et vieillard trop crédule. Allons, suivons leurs pas, ne nous arrêtons plus. Traître de ravisseurs, vous serez tous pendus. Et toi? Sexe trompeur, plus à craindre sur terre que le feu, que la faim, que la peste et la guerre. De tous les gens de bien, tu dois être maudit. Je te rends pour jamais au diable qui te fit.